Comic Avengers sur Indestar, le grand retour. Wouh! Faites la fête! Ouais, ouais, la fête! Ouais. Et le grand retour par rapport à quoi? Par rapport à la semaine dernière? Par rapport à... Ouais, alors la semaine dernière, on a fait une émission hein, quand même, mais c'était le début, c'était le après déconfinement, après la... l'apocalypse. Ouais. Après la bombe nucléaire. Non, non, je déconne. Non, presque, presque, presque. Presque. Ouais. Et du coup, on faisait des tests, on essayait de voir comment ça se remettait en place. Et là, cette semaine... T'es en train de me dire, là, que notre émission de la semaine dernière était très mauvaise. Non. Apparemment. Je n'ai jamais dit ça, non. Bon, mais elle a servi de tremplin. De tremplin. Pour la suite. Très bien, nous allons sautiller, donc, ce soir. Oui, voilà, c'est ça. Et on va toujours atteindre... Le comment on le Nirvana, le podium d'Indestar, le oui. Top 1, on y était déjà de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Et après, il faudra un podium avec plusieurs places numéro 1, tu vois. Il n'y a pas plusieurs. on fait des bisous à nos compatriotes. Les compatriotes, ouais, ouais, ah, très bien. De J'ai vu de la lumière, Clément et ses invités notamment. On fait des bisous à Star. Bah, on est là. Ah, on fait des bisous à nous-mêmes. On fait des bisous à nous-mêmes. On peut se faire des bisous à nous-mêmes. En plus, parce qu'on évite de faire des bisous aux autres en ce moment. Hein, mais par contre, on peut faire des bisous à nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Exactement. Et puis Jolane, bah oui, Jolane qui nous appellera peut-être ce soir, hein, nous fera un petit coucou et qui sera de retour très vite. Il y a toujours une chiasse pas possible. Toujours, hein, toujours, c'est vrai. Il m'a dit, ça fait 2 semaines, j'ai la. Bon. Il se vide. Il arrête un moment. Il a mangé que des chips tout au long du confinement, forcément. Bah oui, bah, il se pas d'heure comme ça, ça complètement déprogrammé, le pauvre Jolane. On fait des bisous à nos amis d'Actu Solide, même si c'est aussi nous. Ah oui, bah non, on a un peu... non, mais toi t'es partout de toute façon. Mais t'es aussi dedans, bah non. Mais non, c'est parce que tu me dis oui, faut que tu sois là, etc. Donc je suis là, mais sinon je vous laisse tranquille en principe le jeudi soir. Mais on a pas besoin de toi, Théo. Bah non, je sais que vous avez pas besoin de moi. Ouais, mais à vous ça te fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Non. Non, ça me fait du travail en plus. Putain, non, je voulais rentrer chez moi. Bien sûr que ça me fait plaisir. Il m'a supplié de venir dans PK Avengers. Non, mais bon, tu es là, en pleine forme, voilà. On fait aussi des bisous à qui d'autre? On a qui d'autre comme émission? Ah bah... Il y a Vita Conso, Vita Conso, bien sûr, oui. Qu'on se retrouve demain, d'ailleurs, avec Linda. Exactement, la grande repremière. La repremière. On sait pas comment ça va se passer, parce que Linda sera à distance, Jolene sera à distance, moi et Antoine, on sera dans les studios. C'est une émission jetlaguée. Ouais, ça... Enfin, jetlagué dans la commune d'à côté, mais jetlagué quand même. Ouais. À distance, en tout cas, on va tester une nouvelle technologie. Mais ça a très bien fonctionné pendant le confinement. Tous nos partenaires et les radios concurrentes qui ont fait ça. Alors, pourquoi ça ne fonctionnerait pas chez nous? Bah, parce qu'il y a des stars, il y a des problèmes. Parce que des fois, il y a des petits problèmes de câble. Ouais. Mais bon, ouais. Outre ça, il n'y a pas de raison. Et voilà. Bien sûr, des bisous à nos amis de Passion, que vous avez vu juste avant. Voilà. En attendant, nous on est PK Avengers, comme vous ne l'avez sans doute pas oublié, j'espère. On est le meilleur groupe de super-héros radiophoniques. Ouais. Exactement. C'est vrai que c'est peu court en même temps, les groupes de super-héros radiophoniques. Je suis pas sûr que Superman faisait de la radio. Et ben, il aurait dû. Mais tu connais pas la radio Justice League? C'est phénoménal à travers le monde. Ils sont là sur leur vaisseau spatial. Là, c'est vrai. Et font de la FM. Tu te demandes comment? Les ondes, je sais pas comment elles viennent jusqu'à sur Terre. Attends. C'est magique. Hein. Ils ont des satellites. Ah oui, ouais. Évidemment. Batman a tout. Batman a tout, effectivement. Du coup, pour ce retour, on est qui? On est qui? Ouais. Alors, bien sûr, comme on l'a dit, il y a Théo. Oui, je suis là. Évidemment. Oui, donc, Théo est au bouton, hein, à la place de Jolene. Voilà. Donc, ça, c'est posé, c'est tranquille. Je suis redevenu adolescent, j'ai de l'acné, je fais des. Oh, oui. La jeunesse, c'était loin, ça. Merci. Ah, très bon son. Pas qui l'a mis, mais c'était peut-être c'est Ismaël, oui. La jeunesse, c'est forcément la loose. Le grand retour d'Ismaël. Clap, clap, clap, ça s'applaudit. J'ai pas de bouton clap, clap. Moi, je le fais moi-même. Voilà. Ah, je trouve pas. Voilà. Innovation, quoi, carrément. Le mec, quoi, il a un melon. Ah, bah oui. Non. En parlant de melon. Qu'est-ce qu'il y a? La marche à fraises et légumes. Je viens de me prendre un regard noir, voir un deuxième. Nous avons Marguerite qui est avec nous. Bonsoir Marguerite. Eh ben non, elle n'est pas... Ah, Marguerite ne peut pas parler dans son micro, c'est oui. Ça son micro ne marche plus. Tape dans le micro, Marguerite. Allez, tape dedans. Non, mais tape fort. Tape, non, mais tape, en vrai, tape. C'est voilà, pas façon d'aimer. Maintenant, voilà. Parle. Ça marche? Alléluia. Toujours taper sur le matos, ça marche. Ne faites pas ça à la maison. Tu sais, c'est les vieilles techniques quand tu tapais sur ta télé pour qu'elle fonctionne. C'est ça. Voilà, ben, ça marche avec les micros d'Indestar. Micro cathodique. C'est micro cathodique. Marguerite est avec nous ce soir. Bonsoir Marguerite. Bonsoir Denis. Tu vas bien? Ça va Bien et toi? Bien. En vérité, vous ne pouvez pas le voir, mais nous sommes éloignés. Ah, oui. Ah non, mais là, il y a 50 mètres de distance entre chacun. C'est ça. C'est les mesures, les barrières de sécurité, les gestes barrières. Nous, on a appliqué ça à la lettre et on a mis 50 mètres de distance. Ouais. Ça, on a coupé le studio en deux, on a mis les bons d'un côté et les autres. On ne dira pas qui sont les bons et qui sont les mauvais, bien j'ai sûr. Rien évidemment. Moi, je dis. Les bombes sont de ce côté-là. Oui, exactement. Ouais. Effectivement, elles sont de ce côté-là. Ouais. On verra ça à la fin. Tu sais, on pourrait faire un clash, les rouges contre les bleus. C'est ça. Hey, mais on va se faire un petit versus. Qui c'est qui a préparé un quiz ce soir, un petit truc là? C'est pas moi. Ah, c'est pas moi non plus. Non. Là, c'est personne. Il y a personne qui a préparé un quiz. Ah oui, on pourrait faire un blind test ou un truc comme ça, mais en même temps, on aura peut-être pas le temps de le faire. C'est oui. Vrai, c'est vrai. Parce que nous avons Théo. Non, je déconne. Mais bon, si vous avez l'habitude d'entendre dans Starter, il envoie du lourd quand même. Hein. J'ai apparemment, je suis bavard. D'après Ismaël, je suis bavard. Ah non, ouais. Alors, sur le téléphone, il y a quelques jours avec Théo pour parler un petit peu radio, l'avenir, qu'est-ce que ça va être, les radios FM, les web radios. Ouais. Ah, je peux vous dire, je vous tape un baratin de 1h48 sur Facebook. On n'était pas en FaceTime encore, ça va. Mais faut pas me lancer. Mais waouh, je devais travailler en même temps, j'ai arrêté au bout de 5 minutes. Ouais, on avait commencé, j'ai arrêté au bout de 5 minutes. Donc, C'est une vraie pipelette. Bah, pareil. Mais non, mais tu me lances sur un sujet tel que la radio, forcément. Bah oui. Voilà. Non, mais c'est un grand passionné, Théo, faut pas l'oublier. Puis sans lui, il y aurait pas Indestar, il y aurait pas Peck Avenger. Et d'ailleurs, on va parler de quoi ce soir dans les Peck Avenger? Attends, t'as oublié notre invité? Ah, mais oui! On a un invité! Oh le mec! Ouais, bah, si! Est-ce que... Alors là, les sucs cheminés! Des médailles d'or, des Oscars! Est-ce qu'il était pas déjà notre invité de la semaine dernière? Oui, effectivement, et eh ben il revient deux fois. Parce et ben... Il y avait que moi. Ouais, il y avait que toi. On prend ce qu'il y a, hein. Que toi de dispo, c'est Antoine, ouais. Par contre, monte un petit peu ton micro si tu peux qu'on t'entende bien. Ah, c'est bon? Oui, ouais, félicitations. Donc maintenant, je l'embête pour vous faire chier. Level unlocked. Pour nous faire chier? Mais non, tu reviens pour nous parler d'un truc. Ouais. Tu vas nous de parler son linge. D'un spectacle, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, spectacle, ouais. Un spectacle français. Oui. Attention. Et même local, mais oui, au centre. Bah oui. Voilà. Donc j'en dis pas plus pour ce qui est du sujet d'Antoine. Ouais, moi, je t'ai dit, voilà, on s'en fout. Bah, on s'en branle. Non, t'es dit, tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Quelle marque de céréales? Boulanger au chômage. Alors, je viens d'Amboise. Oui, voilà, je travaille plus actuellement parce que flemme. Bon, oui. Et je mange des Kellogg's Trésor. D'ailleurs, on peut faire une petite dédicace à ton patron qui nous écoute. Ouais. Parce que t'arrives pas à lui téléphoner, donc. Ouais, faut, c'est bizarre. Je vais communiquer pas par la radio. Peut-être qu'il écoute la radio. Oui. Alors, si vous m'écoutez, ben, envoyez-moi un message pour me dire qu'est-ce que je fais dans ma vie. Ce qu'il sait pas. Est-ce que t'aurais pas peur de ton patron? C'est ça la question. Oh, peur, moi. C'est pas un papillon, donc j'ai pas peur. Jusqu'à preuve du contraire. T'es lié à la phobie des papillons. Voilà. C'est très rare en France, hein, mais tu l'as. Ouais, par contre, non, t'as pas peur de ton patron, mais tu l'as pas rappelé quand même. La flemme. Non, ouais. C'est encore confinement, mais il le sait pas, c'est tout. Oh, on peut sortir. Non, j'ai... Enfin, ouais. Dans Peck Avenger, on va parler un peu de ce qu'on... Non, pas ce qu'on a fait pendant le confinement, si, peut-être. On va en parler un petit peu. Marguerite, Isma, on n'a pas vos retours à vous. Parce que nous, on en a parlé la semaine dernière, mais vous avez fait quoi? T'as fait quoi, toi, Isma? T'as fait quoi, toi, Marguerite? Ah. J'ai senti la bataille des qui commence. On va lancer une musique. T'as fait quoi, alors, Antoine? Moi, j'ai déjà parlé la semaine dernière. Ouais. Ah, mince. Il était là avant vous. Alors... Alors Isma, t'as fait quoi de ton confinement? Ah merde, ça tombe sur moi. Ah. Ok, bon, déjà bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans Peck Avenger, moi c'est Isma. Je suis de retour pour avoir fait un mauvais tour. Et rien qu'en ayant dit cette phrase, vous devez savoir sur quoi Pokémon. J'ai Attrapez joué tous. Pokémon, ouais. Oui. Là je me suis acheté une Switch il y a 2 semaines. Ouais. Même pas. J'ai déjà fait un petit bon 40 heures dessus, tranquillement, tout en regardant des séries, Netflix, etc. Ouais. Bon, en gros, dites-vous, confinement égale geek. Ouais, donc ouais, beaucoup de jeux vidéo, de séries, et puis voilà. Et donc, d'ailleurs, t'as partagé hein, sur les vidéos qu'on a fait durant le confinement, oui, etc. Il y a des vidéos qui sont retrouvées sur le site internet d'Indestar où on te voit avec un très beau décor derrière. Hein, là, t'es dans un univers un petit peu magique et tout. Ouais, c'est un décor du jeu League of Legends. C'était un truc que j'utilise pour quand je fais des streamings en live et j'ai fait wow, autant le réutiliser. Ah, parce après, que t'es quoi, t'es un influenceur toi? C'est un youtubeur. Youtubeur influenceur. Je suis youtubeur, animateur radio, paysan, tout ce que tu veux. C'est une star. Voilà. Star des campagnes et star des villes. Ouais. Il est tout. Et Marguerite? Et tu tout? Oh, bah évidemment, bien sûr. Bah écoutez, moi j'ai regardé des films, surtout, rien de très étonnant. C'est logique, vu que tu es de la fameuse école Les 4. Et oui, et je suis seule ce soir. Oui, tu es seule. Pour une fois, Et c'est quoi l'ESCAT? L'ESCAT, c'est une école de cinéma à Tours. Oh. Est-ce que j'ai bien répondu à tes questions? Ouais, franchement, ouais, ouais. Mais Tours, c'est où pour ceux qui nous écoutent depuis la Belgique, le Danemark? C'est au milieu. Alors, si je fais référence c'est la terre du milieu, oui. À l'émission de lundi dans Actu Solide, on a vu qu'on était tous bons en géographie. Effectivement, nous, on a fait à base de gauche, de droite, d'en bas, d'en haut. Là, le c'est au milieu. Voilà, c'est au milieu de la France. Au milieu gauche. Le centre. Milieu gauche, allez, voilà. Mais on est quand même en région Centre-Val-de-Loire. Voilà. Ne perdons pas ceux qui nous écoutent. C'est sûr. Bon, en gros, dites-vous qu'on n'est pas loin de la ville d'Orléans. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple à donner. Il y a 50 minutes de route. C'est pas ça si loin va. De Toulouse. Hein, Il y a 4 heures pour aller à Toulouse. Ça va. Allez. C'est ça. On est au milieu du sud, du nord et de l'est et de l'ouest. Très bien, bah, comme ça c'est vachement plus précis. C'est très précis. Et alors, Marguerite, s'il y a un film que t'as regardé pendant le confinement qui t'a marqué, c'est lequel? Bah justement, c'est celui que je vais vous présenter ce soir. Ah. C'est un film espagnol qui s'appelle The Platform, que j'ai énormément aimé. Tu connais? C'est sur Netflix. Ouais. Ah oui, yes. J'ai vu, mais je croyais que c'était une série, moi. Non, bah au début je croyais aussi. Moi aussi. Je suis allé sur le truc. Ah putain, c'est un film. Bon, bah, ok, on va regarder ça. Et j'ai été, mais enfin, c'était trop bien. D'accord. J'ai énormément aimé. Ça parle pas de prisonniers, prison, non? Si, oui. Je t'en parlerai tout à l'heure. Oui, voilà, c'est juste pour. Spoilons pas. Je me respoil pour être sûr que c'est bien la chose à laquelle je pensais. C'est exactement ça. Et quand même, on a dit le nom du sujet et déjà le synopsis avec Marguerite, alors que pour Antoine, on a dit oui, un spectacle par chez nous. C'est ça. Il y a on a déjà tout vendu. Mais est-ce que les auditeurs vont vouloir écouter un spectacle présenté, c'est ça? Bah, et pourquoi pas? Faut le teaser un petit peu plus, moi je dis au fur et à mesure de l'émission. Ah, moi j'étais allé voir en vrai, moi. C'est que je vous présentais. On a dit qu'il était français qui venait de chez nous, de la Touraine. Mmh. Ah, d'accord. Il y a des beaux décors, les décors sont magnifiques et sont créés. De Descartes. Putain, là-bas. C'est quoi, de Descartes? Ah oui, c'est une ville ça. Ah, oui. Oui, c'est pas un jeu. Hein, c'est pas un philosophe non plus. Non, non, à peine. Là, il y a Teddy. Non, mais tu vois pas Margaret, mais Teddy qui dit attends, philosophe. Alors, déjà, je connais pas ce nom-là. Bah, si, il y a Thomas, malheureusement. Thomas, oui, d'accord. C'est une autre espèce. Référence. Oui, pas de baratin, mon pote. C'est exactement ça. Mais bon, dans tous les cas, ça va être ni Antoine ni Marguerite qui vont ouvrir le bal. D'habitude, c'est Jolan qui ouvre le bal. Mais là, bah, vu qu'il est pas là, bah c'est Teddy. Bah, ouais, c'est moi qui. Ça tombe sur toi. Allez. Voilà. Donc, et moi, j'aurais quand même un sujet à présenter, moi aussi. Tu hein. as, mais... Ah, mais oui tu as une artiste à présenter. Ouais, c'est... Une artiste Indestar. C'est plus mais... qu'un sujet. Ouais. C'est... Est-ce que le directeur qui présente une artiste Indestar, c'est important, franchement? Bah, je sais pas, si tu veux, je me casse. Hein. À ton avis, il y a combien de chances que ça tombe sur l'artiste qui finit par Free? Parce que t'as tout compris. Non, on parle de Anna Free, bien évidemment, artiste Indestar. Et bah, non. Et bah, non, c'est pas elle. C'est pas Célasou non plus? Non. Non. Parce que Célasou ne passe pas sur Indestar. Célasou oui. est trop méga connu. Interconnu. Voilà. Alors qu'Anna Free, même si on l'avait présenté. Anna Free est très connue, mais oui. Dans les milieux autorisés. Bah là, je sais pas. Je crois qu'il y a un rose dedans. Ouais. Pamela Anderson Rose. Non. Il s'agit de Mia Rose. Et pour la petite anecdote, bizarrement, c'est la meilleure amie d'Anna Free. Et comme tu connais, je crois que tu connais Anna Free personnellement, non? Ouais, enfin personnellement, vite fait quand même. Hein, mais... Non, voilà, mais tu l'as déjà vu, t'as déjà discuté avec oui, elle oui, oui, et oui. Mia Rose par la même occasion. Et bah non, Mia Rose, non. Ah, mais non. Ah, je suis déçu. Bah oui, je suis déçu. Pourtant, Mia Rose, je sais que c'est une belle beauté. Ma foi. D'accord. Non mais tu regardes les trucs bizarres. Non, mais en tout cas, oui, pour Anna Free, je peux même vous dire qu'il a une citation dans son salon de Anna Free. Sa musique de téléphone, c'est du Anna Free. Eh ben voilà, tout est dit. Son poster dans sa chambre et dans ses chiottes, c'est du Anna Free. Ce serait glauque dans les chiottes. Hein. Bon. Ça va trop loin. Dans tous les cas, oui, tout à l'heure, on parlera effectivement de Mia Rose. Ouais. Mais ça, c'est après. Elle est née en 88. Elle est jeune, c'est bon, les gars. Oh, le bâtard, il vient de spoiler son sujet. Ouais. Et aussi, elle est mariée. Merci. Ah, merci. Mais elle est londonienne. Là-bas, c'est... Rien. Quoi? Mais non, elle vit au Portugal. Mais arrête de dire des informations. Il est en train de dire la bio Wikipédia. Il commence au début. Mais oui, c'est exactement ça. Je suis sur mon téléphone là pour les auditeurs. Tout à l'heure, on aura effectivement la vraie biographie de. Ouais. Ah, c'est un peu mieux. En attendant, c'est Addiction qu'on va écouter. Ouais, Addiction parce qu'il est français, Arkane. Et du sud de la France. Oh, putain, je l'ai dit en anglais. C'est un Toulousain peut-être. Bah, t'as essayé, non mais c'est bien, mais pour le coup, il est français. Et c'est son, par contre, son pseudo Erkan, tu vois, j'aurais. Erkan. Voilà. Et bizarrement, là, oh ça là marche là. Pas. Ah bah oui, non mais c'est vrai. C'est, pour le coup, c'est vicieux. Enfin. Donc Erkan sur Indestar, et après exactement. C'est ton sujet, ça parlera et après, de... après c'est Ninjago. Oh. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le jeu vidéo E.T. sur Atari. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avenger. Bio addiction à Peck Avenger, oh pardon, j'ai tu essayé. Tu te mets à faire du rap, c'est ça? Ouais, voilà, j'ai ouais. essayé. C'est sympa quand même, du rap avec de l'accordéon, bordel. C'est... Oui, non mais c'était... Alors c'est le nouvel album de Erkan, et ouais. C'est un artiste, bon, ça fait déjà plusieurs années hein, qu'il est dans le game, mais là, ses précédents albums, ils sont... entre guillemets contenté de faire des comment on appelle ça des beats en fait des ouais non pas des normales mais de des loops voilà c'est le mot que je cherchais donc à partir d'un morceau d'une chanson voilà tu fais des répétitions et tu ouais. arrives à faire une instru là il a composé l'instru avec ses musiciens de A à Z et effectivement bon c'est rappé dans la plupart de non, c'est comme le fromage ouais. Ouais. C'est rappé dans la plupart des chansons mais en tout cas l'instru etc. C'est vraiment fait comme de la chanson française avec deux accordéons, avec des sons du sud aussi, hein, parce que je rappelle qu'il est de Montpellier. Montpellier, oui, tout à fait, sud de la France. Donc il y a vraiment une recherche artistique sur la partie musicale qui est assez unique. Et l'album s'appelle Sur mon Solex. Tu vois pourquoi je suis tombé dessus? Voilà, parce que j'ai moi-même en fait, un Solex. Fait des recherches sur les Solex. Exactement, et là, boum, Erkan. Non, c'est même pas ça, mais tu sais que c'est un rapport parce que le mec est assez. Un petit peu. Comment dire? Il aime les vieilles bagnoles. Etc. Donc il a un Solex et il a vieux, quoi. Une estafette aussi. Et il faisait une impro dans son estafette. Et j'ai trouvé ça cool. Il est hyper doué en impro ce mec là. Je vais continuer dans cette histoire parce qu'en disant que mon père a une estafette. Du coup j'ai connu l'estafette. Oui. C'est génial. Et moi je vais continuer sur cette histoire pour dire que je me suis arrêté à il aime les vieilles. Mon cerveau s'est arrêté à ce moment là et depuis il n'a pas suivi le reste. Désolé. Bon, ok. Mais il a une bonne quarantaine d'années, hein, peut-être 45 ans, Erkan. Et en tout cas, ouais, je vous conseille d'aller le voir. D'ailleurs, il a une page Facebook et puis un site internet avec des impros. Il est hyper doué en impro. Moi, ça m'a bluffé. Hein. Est-ce que tu le qualifierais de magique? De magique? Ouais. Il y a une blague là-dessus. Oui, non, il y a une transition, non, un truc. Non, du tout. Non. Il y a une blague là-dessus. Il y a une chute, Erkan, il y a quelque magique, chose. Magique, un truc. Bon, alors vas-y, oui, pour te faire plaisir. D'accord, c'est pas là. Juste pour ce son de merde. Le son de ma sorcière bien aimée, oh c'est là. Exactement. Là. Le petit nez. Oui. Est-ce que quand il fait de l'impro, il bouge son nez? C'est ça la question, tu vois. J'ai pas juste... Il est en train de me perdre là, Ismaël. Le blanc. Hey, je vous promets, j'ai rien bu avant, rien non, fumé. Non, mais heureusement, heureusement. Mais non, mais c'est qu'il est à fond dans la reprise. Là, il reprend du coup, il fait de la bonne vanne. Non, peut-être pas de non la plus. Vanne. De la vanne, ouais. Bon, si on reprenait où est-ce qu'on en était. Bah, c'était moi. Oui, bravo. Ah merde, merci. Je vais vous présenter Ninjago. Alors attention, ouh, j'ai eu des. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Normal, je suis là pour le présenter. Je suis là pour ça. Non, je vais arrêter de me jeter des fleurs. Non, c'est pourquoi t'as voulu présenter ce truc, c'est ça. Ça, c'est déjà plus intéressant comme question. Qu'est-ce que t'as bien voulu voir? À quel point tu n'as pas honte de toi-même, tu vois, c'est ça. Et ben là aussi, je me suis posé des grosses questions sur moi-même. Pourquoi je présente Ninjago? Pourquoi je présente un truc à dessin animé orienté pour les enfants? Faut bien l'avouer, les Lego. Et t'as bientôt 30 ans? Quoi? 40, excusez-moi. Ça va, ta gueule! Non, j'ai 25. Ouais, ouais, c'est même plus. Il est plus sûr. Ouais, il y a eu le confinement, toi. T'es, je suis né dans les années 90, quoi. Ouais, c'est ça. En 95, c'est même plus précis. Alors, parce que tu as un enfant, c'est ça? Oui, j'ai un enfant, mais il regarde pas Ninjago encore. Il est pas trop fan. Lui, il préfère les Octonauts, ou bon pas de patrouille pour les connaisseurs. Dora l'exploratrice. Non, non. Pourquoi ça existe plus? Ah bon? Vous avez vu la nouvelle version de Dora l'exploratrice? Petite parenthèse. Le film non, il y a une série qui existe. Ah, y a un film. C'est un petit gars, je crois. Il y a un film où c'est une bombasse de 15 ans. Voilà. Ouais, mais il est bien enfin, le 15 film. Ans, ça fait un peu... Je le valide, honnêtement, ça change de Dora l'exploratrice. Tu as vu le film? Ouais. Tu as osé? Oui, j'ai osé. Non, j'ai regardé là, ça en famille avec ma petite sœur et ma maman. Et ça n'a pas détruit ton enfance? Le pire, tu vas au cinéma. Tu sais, tu vas, je vais voir Dora l'exploratrice. Non, j'aurais jamais payé pour ça, ça c'est sûr. Légalement ou illégalement, je l'ai vu. Je ne sais pas. C'est officieux, officiel. On ne sait pas trop. Bon, enfin bref, en tout cas, ce que j'ai à dire, c'est que je l'ai vu et c'est pas mal. J'ai bien rigolé. C'est pas si enfantin que ça. C'est un bon film d'action à voir, quoi, d'aventure. Ouais, est-ce qu'elle a les mêmes tics de langage que dans le dessin animé, là, les trucs relous? Non. On a ça pendant les 5 premières minutes, après c'est terminé. Il y a plus d'anglais, c'est on fini. A une vraie ado, et ça c'était trop bien, tu vois. Ah, tu te dis, oh yeah, ça peut être normal, Dora. Et même là, non, je parlais justement de la série animée Dora Exploratrice, où que justement elle ressemble vraiment à. Je sais pas, elle est kawaii, elle a 15 balles, enfin 15 années, 15 piges, ouais, c'est ça qu'on dit. 15 balles, non. Mais la série, c'est tu parles d'une série en dessin animé ou une vraie série avec des vraies personnes? Une série en dessin animé. D'accord. Pour Dora l'Exploratrice. Et pour Ninjago aussi, du coup, c'est une série en dessin animé. Et je considère que c'est un peu mieux que Dora l'Exploratrice, personnellement. Mais du coup, alors, c'est quoi Ninjago, pour ceux qui connaissent pas? Alors, Ninjago, déjà, ça vient de l'univers des Lego. Jusque là, je pense que vous connaissez tous. Oui, bah les Lego, oui. Voilà. Donc, on a tous Lego, fait au moins une fois aïe en marchant dessus. Sur un Lego, voilà. C'est grand concurrent de Playmobil, pour savoir. Lego, comment dire, ils ont plein d'univers, ils ont plein de thématiques, hein, c'est facile, hein, t'as Lego Barbie, t'as Lego. J'ai même pas d'idée là, il y a Lego tellement Ninjago, que... Tu peux avoir Lego Pirate, Lego. Alors Lego Ninjago, effectivement. Ouais, ils ont fait pas mal de partenariats avec des marques. Des autres... partenariats aussi, ouais. Oui, voilà, des crossovers et tout ça. Il y a beaucoup de dessins animés issus de, d'autres univers comme Lego Star Wars, Lego Seigneur des Anneaux, que nous parlait Antoine tout à l'heure, si t'es toujours là. Même Jurassic World aussi. Jurassic World, voilà, Marvel, Avenger, Lego, tout ça. Enfin bref. Et ils ont sorti des ninjas en fait, ils ont créé un univers de ninjas en jouet. Voilà, et ils se sont dit, tiens, si on faisait une série. Bon, parce que voilà. Et ils font souvent des séries comme ça, en vrai. Ils font d'abord les jeux et après les séries. Du coup, ils ont inventé Ninjago, maître du spinjitsu. Mais est-ce que c'est parce que le directeur de tout ce qui est Lego, il a un jour vu Naruto, il s'est dit, oh, c'est trop bien, on va faire des ninjas? Ou il n'y a aucun rapport? Je pense qu'il n'y a aucun rapport. D'accord. En vrai. Parce que je sais pas si vous voyez, spinjitsu, c'est composé de deux mots. Spin et jitsu. Oui, alors le jitsu, c'est. Ninjutsu. C'est un... Oui. Voilà, ah. Jusque-là, je pense que vous avez compris que c'est l'art des ninjas. Et le spin, c'est comme les hand spinners. C'est ça, ça vient de du mot spinner. Et du coup, ça veut dire tourner. D'accord. Donc, coup, c'est des Lego Blade Blade en gros, je sais pas. Non, mais le principe de leur ninjutsu à eux, ça va être de tourner sur eux-mêmes rapidement. D'accord. C'est des. Le spin jitsu. Donc, franchement, c'est bien. Franchement, okay. C'est cool pour ceux qui aiment les trucs d'aventure et tout ça, c'est cool. Bon, moi, j'aime bien. Je vais vous donner plus d'informations quand même parce que j'aime bien, voilà, fin. Non, mais c'est bien, c'est une bonne explication, une bonne justification. Voilà, voilà. C'est ça. J'aime bien, il faut aimer. Bon, voilà, terminé. C'est une série d'animation américano-danoise qui est sortie en 2011. Il y a presque 12 saisons, il y en a même une 13e qui est en cours et voire une 14e qui sont en train de prévoir pour je ne sais quand. Moi, je me suis arrêté à 12, hein. J'ai pas vu la 13e, elle est en anglais, j'ai la flemme de traduire. Le scénariste réalisateur, il s'appelle Michel Egger. Je le connais pas plus que ça. Et t'as pas fait de recherche? Il a fait d'autres trucs Lego et c'est tout. C'est un spécialiste des Lego. Voilà. Voilà. Il reste dans son Bravo domaine. Bravo Michel. Et il excelle dans son. Il excelle dans son domaine, ouais. Il excelle. C'est un mec assemblé, tu vois. Quand tu as la maison, claque. Ah bah, ce serait trop bien de faire une maison Lego. Enfin, moi. Passons. Alors, je vais vous faire un petit synopsis. Le Sensei Wu, donc un vieux maître de Spinjitsu, est le fils du premier maître du Spinjitsu, justement. Parce qu'il y en a eu un tout premier, et il a eu deux fils. Il a eu Sensei Wu, et il a eu son frère Garmadon. Sauf que Garmadon, lui, il a été mordu par un serpent, ce qui l'a rendu maléfique. Ce serpent, il avait un venin, voilà. Et du coup, c'est le grand méchant. Ouais, ouais. Alors, les intrigues sont pas ouf non plus, parce que c'est adapté pour les enfants, hein. faut pas trop déconner non plus. C'est pas du Game of Thrones, quoi. C'est pas du Game of... Non, c'est pas du Game of Thrones, effectivement. Non, c'est plus humoristique, c'est plus sympathique, et c'est à regarder en famille, on peut regarder en famille. Ouais, alors famille... En famille, c'est les enfants et le chien, tu vois. C'est... Ouais. C'est ça. C'est voilà, la fratrie c'est de petits, quoi. Ouais, voilà, les enfants, en fait, de la famille. Après, mais moi, j'adore, perso. Enfin, je veux dire, t'es papa, t'aimes ça... Bah ouais, je regarde tous les dessins animés avec mon fils, hein, faut savoir... Les Octonautes notamment, je suis un grand fan des Octonautes. Je le présenterai peut-être un jour si je suis motivé. Je connais pas. Moi non. Franchement, faut connaître. Mais bon, ça sera le sujet de jeudi prochain. Tu regardes Titi Gros Mignon aussi? Non, ça c'est de la merde. Quoi? Mais c'est trop bien. Je déteste les Disney. Mais bon, on va passer là-dessus. Les Disney, Titi Gros Mignon. C'est pas des Disney. C'est pareil. Pas des Disney. C'est Warner. Non. Bob l'éponge, je te regarde. Mais attends, ils ont pas racheté Warner? Ah non, pas encore. Mais non. Ah non, pas encore, c'est vrai. C'est Marvel, Disney maintenant. Ouais, Disney c'est beaucoup de choses maintenant. Ils ont racheté pas mal de trucs, hein, même. C'est un détail. Enfin bref, Sensei Wu, du coup son frère Garmadon est devenu maléfique. Du coup, il y a une prophétie qui disait que l'un de ses élèves, le fameux Ninja Vert, affrontera Garmadon et le fera déchoir de son titre maléfique. Il fait pas grand chose de maléfique à part être maléfique, mais bon, c'est qu'un détail. Les méchants dans les dessins animés, c'est pas des vrais méchants. Ouais, voilà, c'est ça, ils piquent des glaces aux enfants. Voilà, c'est pas très ouf. Et du coup, il va entraîner des ninjas pour affronter Garmadon. Donc, du coup, il va en avoir 4, le ninja rouge, le ninja noir, le ninja bleu et le ninja. Vert. Eh ben non, le blanc. Le blanc. Non mais voilà. C'est là, logique. Là, en fait, t'es en train de présenter Power Rangers en version Lego pour l'instant. C'est vrai qu'ils ont un code couleur. Voilà. En sachant qu'il a eu aussi un autre élève avant qui s'appelle, j'ai oublié son nom, ce petit. Spencer. Et là, on est sur les tortues ninja. Non, il s'appelait pas Spencer. Eh ben tant pis. Moro, putain. Oh là là. Pardon. Comment il s'appelait, Dean? Moro. Ouais, ah bah ils ont des noms vachement courts. Hein. Ils s'appellent Cole, G, Zane, Kyle et Lloyd. Faut que ça soit facile. J'ai. Pas G. J. G. Ouais. J. G-A-Y, hein, si je me trompe G-A-Y, pas. Exactement. Voilà, pas J apostrophe I, parce que là, il le dit comme un français qui n'a pas appris l'anglais. Autant Arcane, il nous l'a fait à l'anglaise, mais là. Quand oui, il ouais. fallait pas. On fait ce qu'on peut. Quand on peut. Du coup, il a monté sa petite équipe de ninja pour affronter Garmadon en espérant que l'un d'entre eux deviendrait le ninja vert. Sauf que, pas de bol, c'est aucun d'entre eux. C'est son petit. Enfin, son neveu, voilà, c'est ça qu'on dit. Le neveu de Sensei Wu, donc le fils de Garmadon, parce qu'il a eu un fils, mine de rien. Il a quand même réussi à pécho en étant maléfique, respect. Et il a eu un fils qui s'appelle Lloyd et qui deviendra le ninja vert. Yes. Il sera aidé par les autres et du coup, dans la première saison, ils vont affronter le seigneur Garmadon. Ça, c'est pour la première saison. Après, il y a plein d'autres aventures qui leur arrivent, notamment dans un cyberespace. Donc, ils affrontent, je sais plus comment ils s'appellent, Overlord. Enfin, voilà. Il y a plein d'autres aventures dans les autres saisons. Je vais pas toutes vous les citer. Non, mais ça a l'air passionnant. Hein. Dans la saison 2, on doit avoir un ninja violet. Dans la saison 3, on doit avoir un ninja gris. Ouais, mais. Non, mais c'est vrai. Non, mais en plus, les personnages, ils évoluent en fait. Parce qu'au début. Des Pokémon. Ouais, franchement, ouais, leur armure elle change au fil des saisons. Leurs pouvoirs ils évoluent en fonction des saisons aussi et de ce qu'ils ont. Dans la première saison, tu vois, ils ont des armes d'or qui leur permettent d'éveiller leur élément. Genre, par exemple, Cole il a le pouvoir de la terre, il peut faire des séismes et tout, il est indestructible aussi, c'est cool. Jay il a les éclairs, il peut faire de la foudre avec son ninja. Pokémon, cool. Tu vois. Ouais, non, mais c'est exagéré, mais ouais, franchement, c'est cool. Mais honnêtement, le CA, quand ils ont voulu créer les Ninjago, il y en a un, je suis sûr, dans le groupe, il a dû dire non, mais les gars, et si on faisait un truc original pour une fois, ils l'ont foutu par la fenêtre. Ils ont fait non, mais non, on va mélanger plein de trucs. On va mettre des ninjas avec un élément et basta, ça va marcher. Et on là, va mettre un code couleur. Luc Besson était à côté, il a dit ouais, non, c'est ça qu'il faut faire, les gars, vous allez réussir avec ça. Mais après, ils ont mis des serpents aussi, il y a des tribus de serpents ou qu'il y a des serpents aussi avec un code couleur. Non, mais ça, c'est Hans Zimmer qui est venu mettre son grain de sel. Hein. Ça doit être ça. Et non, ça donne plutôt bien en vrai. Moi j'ai bien apprécié regarder ça jusqu'au bout. Il y a combien de saisons? Alors la 13ème est en cours. Ouh là là. Ah oui. La 13ème est en cours et il y a une 14ème qui va arriver. Oh là là. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Les épisodes durent longtemps ou pas du tout? Ça dure pas si longtemps que ça. Ça reste un dessin animé pour enfants. Ça doit être une vingtaine de minutes. Hein. Je confirme. C'est une vingtaine de minutes. D'accord. Parce que c'est écrit. C'est à juger. Oui, vendu. Ouais. Et bien évidemment, à la sortie de cette série, les jouets, ils ont explosé les ventes, ça a cartonné. Ils ont pu augmenter leur panel et tout, faire des dragons. Ça, c'était avant. What? Alors, en termes de Lego, je pense que là, pour l'instant, ça marche bien. Hein. Avec les Lego Marvel, c'est ce qui doit marcher le mieux. Ouais. Ouais. Supposition hasardeuse. Est-ce que tu en as acheté toi-même des Lego après J'achète pas de Lego, mon fils est un peu jeune encore. Et moi, personnellement, je joue plus trop aux Lego. Ouais, non, je joue plus trop aux Lego. Il se rappelle plus. Qu'il est trop jeune. Bah, à partir d'un certain âge, on les avale, les Lego. Les bébés, ça avale, les Lego. Je dis ça, faites attention quand même à certains trucs. Hein. Non, t'as des Duplo qui sont plus gros, je crois. Pour là, pour le coup, pour l'avaler, faut y aller. Voilà. Bon, enfin, putain. Après, tu passes au Lego et après, tu passes au mécano. C'est ça, plus t'es jeune, plus t'as des gros jouets. Bah oui. Plus t'es vieux, tu sais qu'ils ont fait un test de pression sur une voiture Lego? Ouais. Ça résiste à genre, au moins une tonne. T'as plus de 3 tonnes le machin. Ouais, 3 tonnes, c'est pas mal. Ouais. Ouais, j'avais vu le test sur les petites briques de 8 petits ronds là. Ouais, une tonne facile. Hein. Ça se casse même pas, ça susurre pas. Mais bon. C'est pour ça que nos pieds ont mal. Ouais, c'est pour ça que nous. J'allais le dire. Ça fait que dalle. Je vous assure, c'est pas le pire sur quoi j'ai marché. Hein. Des Legos, c'est que dalle. Parce que quand, ouais, vu que j'ai un bébé, je marche sur beaucoup de choses. Faut savoir qu'un bébé, ça laisse traîner des jouets quand même, ça y range pas toujours. Ouais. J'ai marché sur une brouette à l'envers, par exemple. Donc la brouette, la roue, ça va. Ouais, les deux piquets, les piques, ouais. Ça va beaucoup moins bien. Moi, ouais, j'ai marché sur un clou une fois. Pieds nus. Je l'ai fait aussi, mais j'étais pas pieds nus, c'est ça qui me dit. Dans le garage, moi, c'était dans le garage. Non, Teddy, c'était pour un test. C'est les fameux tests moine Shaolin. Je peux marcher sur des clous. Alors ça j'ai jamais fait. Par contre j'ai fait sauter des toits et j'ai fait du parcours aussi comme un ninja. Ouais. Non, à ne pas reproduire à la maison. Bien sûr. Bah surtout. Ne faites surtout pas votre Teddy à la maison. Non, surtout à la maison. Le parcours c'est encadré, c'est dans une salle et tout ça. Ouais, ouais, exactement. Voilà. Et j'ai voulu en faire moi. Je t'avais parlé de cette expérience là. J'ai voulu faire du parcours. Je suis sorti dehors dans. Il faisait dans chaud jardin, du coup il est rentré. Et j'ai testé sur un mur. J'ai fait non, c'est pas pour moi en fait. T'as été honnête avec toi-même. Ouais, exactement. Pas comme un certain Teddy quoi. Je me suis dit ça serait bien de pouvoir le faire, tu vois, mais j'ai pas les conditions physiques pour le faire. Et puis je risquerais de me faire mal, ça serait dommage. On avait besoin de toi ici de toute façon. Oui, oui. Les ninjas, c'est pas pour Théo. Non. Théo, lui, c'est plus ses jeux de conduite et tout ça. Ouais, mais c'est vrai que j'avais aimé les Yamakasi, tu vois, à l'époque. Donc. Ouais, ah, bah, mais c'était génial les Yamakasi. Je l'ai en TPD. Oh là là, t'es fait des, t'es fait des. Moi j'ai envie de faire HS. J'ai fait du parcours comme les Yamakasi. Mais dans mon salon, j'ai sauté du fauteuil. Ouais, c'est ça. Et tu te casses la gueule. Et... Non, mais avant, j'étais un peu doué. Ah, ça, c'est ce que disent les gens quand c'était avant, tu sais. Ouais, quand il y a ah ouais, moi quand j'étais jeune, non, mais tu sais, j'avais un ami pas père. Au ping-pong. ouais, non, moi quand j'étais jeune, j'étais un as du ping-pong. Ouais, mais maintenant, t'es une merde, donc on arrête. Ce que vous savez pas, les amis, c'est qu'en fait, quand il a dit j'étais pas encore père, t'as dit il s'est touché le ventre en même temps. Du coup, j'ai envie de te poser la question, c'est toi qui es tombé enceinte ou quoi? J'allais rajouter, j'ai pris du bide, mon pote. Être papa, ça fait prendre du ventre, hein, mine de rien. Y a pas que les mamans qui prennent. Si, c'est pas une légende. Non, mais il paraît que la grossesse, y a certains pères qui prennent du bide parce que leur copine est enceinte. Parce que t'es l'exemple. Très impliqué dans la. Non, c'est parce qu'elle fait plus à manger pour elle, du coup je mange plus aussi. Bah, attends, j'ai pas de copine qui est enceinte et je prends du ventre, c'est normal? Oui. Alors ça, c'est un autre problème. Il y a d'autres facteurs aussi ouais. Qui peuvent faire. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'on prend du poids. Mais bon, le confinement, ça y a pas joué non plus en personne. Alors au contraire, pendant le confinement, j'ai perdu. T'as perdu? Oui, 4 kilos. Ah bah, oui. C'est bien. Mais les repos aussi, toi, t'inquiète pas. Ah bah oui, les McDo sont ouverts. J'ai une dame qui est venue me voir aujourd'hui et qui m'a annoncé qu'elle avait perdu 30 kilos pendant le confinement. Quoi? Ouais, parce qu'elle a marché tout le temps en fait et elle a fait l'équivalent de 600 km de marche. Oh. Et oui, comme ça additionné, ça fait beaucoup. Hein. Mais donc du coup, elle a perdu 30 kilos. C'est chouette. Ma foi. Vive le confinement. J'aimerais bien perdre 30 kilos. Non, tu perds des 30 kilos à un moment donné. Tu perds une jambe. Pour de vrai, tu perds une jambe. Bah ouais, c'est un peu trop maigre. Est-ce que je peux me permettre de te poser la question, quelle était sa condition physique avant le confinement? Elle était obèse. D'accord. Ouais, c'est plus facile de perdre quand on est. C'est vrai que si tu fais 50 comme moi, kilos. Beaucoup de gens. Non, moi j'en chie pour perdre du poids. Mais toi ça va. J'aimerais bien, il faut chier de toute façon. Bah oui. Blague de merde. Mec, je fais 90 kilos. Bah c'est bien. Moi j'aimerais bien faire 90 kilos, j'en fais 120. Ouais, on va s'amuser à faire un tour comme ça. Je pense que Théo nous explose. Ah, peut-être entre Théo et Marguerite. Tu rigoles, mais c'est Marguerite. Oui, c'est des bras. C'est vrai que Marguerite n'est pas très grande. Ouais. En plus, j'ai dû prendre du bidon. Oh là là là là là là. Le regard noir. Je vois pas, je suis aveugle. Moi j'ai pas dit ça en termes de taille, j'ai dit que Marguerite était plus svelte que moi, c'est différent. Oui, j'ai rien dit. Théo sait charmer les filles. Quel rapport? Les mots que tu choisis sont assez anciens, on sait vers quoi tu te tournes. Ouais. Bah quoi, svelte, c'est pas ancien. Ah, tu dis t'as pas même ça sur les yaourts? Tu dis pas ça à un gars ou une fille que tu veux pocher ou ah, t'es svelte, hein, oh là là. Bah pourquoi? Parce que t'es svelte. Oh là là. Bon. C'est pas mal, c'est de la bonne drague. Enfin bref, passons à autre chose, si vous voulez bien. C'est qui va s'y coller? Antoine? T'es qui? Ouais. T'es chaud? Ouais. Alors qu'est-ce que tu vas nous présenter? Les Baudins. Les Baudins, le spectacle des Baudins. Ouais. On dit Baudins ou Baudins? Les Baudins. Les Baudins, ouais, parce qu'ils sont plusieurs. Alors oui, mais en France on dit pas les. Je sais pas. Mais bon, dans tout cas, tu vas nous présenter leur spectacle Les Baudins que j'ai vu moi pendant le confinement. Perso, j'avais jamais vu ça avant. Ils ont fait plusieurs. Oui, bah ils ont fait plusieurs représentations, j'espère. Non mais plusieurs spectacles. Ouais, ils ont fait plusieurs spectacles. Ah bah oui, de nombreux. Ouais, combien tu m'as dit? Une dizaine, je crois. Une dizaine, ouais. Ah merde! Ouais, t'as des choses à rattraper! Hein. Tu sais, c'est dans Game of Thrones, t'es à la saison 1 là, tu vois. Ah bah. Encore plein d'aventures t'attendent. Oh bah non. Ah bah si. Bah si alors. Mais du coup, on va écouter ce que t'as à nous dire sur le spectacle des Baudins après la musique d'Eugénie. Oh, j'aime bien ce nom. C'est le nom de la fille de la prof de maths. J'en connais une, Eugénie, ouais, effectivement, moi aussi. Et son titre, il s'appelle Paradis vs Offenbach. Mais c'est un match-up. C'est un match-up, effectivement. Bien joué, Teddy. Un match-up. On voit que t'as le conducteur sous les yeux. Ouais, il est très bien. C'est un match-up entre Linda et Offenbach. Exactement, c'est Linda qui chante et Offenbach. Non mais les Offenbach, très bon groupe de DJ français musicaux. Je les adore. Je valide je les à 100% dans un match-up. Ils sont trop bien. Ah, je les ai vus aussi, ouais. Ça sent la connerie. Non, c'est vrai. C'était en festival. D'accord. Et ouais, moi, je peux dire qu'on va passer un moment magique. On écoute le moment de Jean. Voilà, très bien. J'aurais dû m'en douter. À chaque fois. Chaque jeudi, jusqu'à 23h. Big Avenger sur Indestar. Pourquoi il s'énerve comme ça, le monsieur? Je sais pas pourquoi. Big Avenger sur Indestar. Parce qu'il aime les Big Avenger sur Indestar, que vous pourrez retrouver sur indestar.fr notamment. Vous pouvez aussi nous appeler et réagir au 09 70 407 306. Ah, je suis sûr que tout le monde a capté le numéro là. Ah, ben je vais recommencer alors. Vous pouvez nous appeler au 09 70 407 306. D'ailleurs, un petit appel. 22. Si Jolan nous écoute, il peut nous faire un petit coucou à l'antenne. Bah, son attaque. Ouais, non, il est pas obligé. Et on aura aussi un invité. Enfin. Un invité par téléphone qui va nous appeler tout à l'heure. D'accord. C'est Sean d'Indé Comics. Oh oui. Il est chaud là, il a envie de. Il est chaud, Sean. Ouais, chaud. Oh putain, il a gâché ma cheville. Non, ouais, on est des petits comics. Hein. Enfin voilà, il va nous appeler tout à l'heure pour nous passer un petit coucou et parler d'Indé Comics. Ok. Voilà. Et je tiens à dire aussi que si vous avez des informations sur la voiture Beluga, c'est le moment de nous appeler. Parce que Marguerite nous a parlé de ça et. La voiture Beluga ? Bah, je sais pas, je connais pas. Oui, je connais le Beluga, je connais la voiture. L'histoire, Marguerite, dis-nous. Bah écoutez, vraiment, tapez sur internet voiture Beluga et vous allez trouver une voiture qui a une espèce de. C'est très bizarre. Ça, ça existe vraiment. On dirait une. Vraiment, on dirait un Beluga, il a une grosse bosse devant. D'accord. C'est très étrange. Vraiment, regardez, vous avez trouvé. Oh, d'accord. Et bah, regardez la voiture Beluga, Marguerite vous a fait partager. Un truc, un bijou de technologie. Ah, c'est magnifique. On va la recruter pour starter. En attendant, Antoine. Là, je tombe sur un multiple là. Tu nous as préparé un truc. Oui. Un sacré truc. Oui. Avec beaucoup de trucs dedans. Oui. D'accord, d'autres trucs avec. Antoine, c'était à toi là. Alors, merde. Juste une petite parenthèse pour revenir sur la voiture Beluga. C'est un Fiat multiple là. Ouais, donc la voiture qu'on adore dans Starter, on en a parlé dans les voitures originales. Elle a été élue voiture la plus moche oui, un moment. Oui, non, bah oui, toi, ça, très clairement, c'est moche un multipla. Je vais me l'acheter après être trop sympa. T'as déjà vu un Beluga aussi moche? Petite dédicace à ceux qui ont un multipla, parce qu'il y en a pas mal qu'on en a acheté un. Des excuses au Beluga. Qui est une voiture qui est plutôt pratique mais moche, ouais. Revenons sur ce jeu des Wodans. Oui, est-ce que moi, faudrait que je commence au bout d'un moment parce que. Parce que tu vas t'endormir sinon oui. Non, parce qu'il y a son linge à faire. Non, parce que après, j'ai encore mon linge à aller laver, donc c'est d'accord, bon. Ok. Non, mais c'est pas déconnant, parce que vraiment, je fais son linge. Donc, oui, donc je vous parle des Wodans. Donc, c'était écrit en 1994. Putain, c'est plus. Alors, Vincent Dubois qui interprète Maria. Mm-hmm. Et Jean-Christian Frestinet qui interprète Christian, son fils. D'accord, mm-hmm. Ouais. Donc je vais vous parler de l'un de leurs spectacles les plus connus, hein, c'est le Grandeur Nature. Ouais. C'est après il y en a d'autres, mais. Mais ils sont moins connus, oui, donc ils passent. Bah, ils sont moins passés à télé que Grandeur Nature. Grandeur Nature. D'accord. En plus, j'étais le voir celui en vrai, donc il est. C'est lequel? C'est celui qui est quand ils sont dans une ferme. Oui. Et qu'il y a la cousine de Christian qui vient parce que. Oh, d'accord. Ouais, je vois. C'est le spectacle de la maturité. Parce que t'as la. Je crois que c'est le frère. Enfin, bref, je sais plus comment ça se passe. Bah, de toute manière, tu vas faire le synopsis. T'as la cousine de Christian qui vient parce que t'as ses parents qui en peuvent plus parce qu'elle fait trop le bordel. Ouais. Et t'as Christian qui fait pourquoi t'as ta cousine qui vient. Enfin, pourquoi y'a Mastanès qui vient. Parce qu'il a dit parce que faut que je la redresse. D'accord, du coup, elle va en vacances chez sa tante. Voilà. Bah, pour se redresser en fait. Ouais, voilà. Ouais. C'est la maison de correction. Et la tante, faut bien l'avouer quand même. C'est la vieille de chez vieille de fond de la campagne qui va chasser avec les bottes et tout. C'est la bouseuse quoi. Elle chasse pas, elle braconne. Ouais. C'est pas... Non mais effectivement, le duo comics est basé effectivement sur la culture de la campagne profonde avec ce décalage avec ouais. Les nouvelles technologies et le monde dans lequel on vit. Franchement, aller voir en vrai, franchement, moi je le conseille. Hein. Parce que, franchement, c'est tapé des barres tout le monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire qui se passe justement dans ce spectacle-là? Bah là, ce que je peux conseiller déjà pour l'histoire des deux personnages. Bien sûr. Donc déjà, bah, Maria, elle a 87 ans. Ouh, petite vieille. Ouais, mais qui arrive à viser encore. Et elle passe de son temps à... Quoi ça? À braconner. À se moquer de son fils. Parce que tu vois, son fils, il est un peu naïf, il est un peu... Il est pas très intelligent. C'est un... simplet, c'est quoi. C'est un bon bricoleur, toi. Ouais. Donc, bah, il est paysan avec sa mère, quoi. Il l'aide dans ses tâches, ils vivent voilà, ensemble. Il a... Elle s'amuse à le... À le charrier. Ouais, à le charrier, à, le... à se moquer de lui. Tu m'étonnes. Il y a même un moment qui a dit ouais, si un jour les cons font les étincelles, mets-toi pas à côté du gaz, ça risque de péter. Effectivement, ils ont des bonnes vannes, des bonnes réparties dans les Baudins, notamment avec les flics aussi, parce que des fois ils ont des emmerdes avec les flics, ils viennent, et bah la grand-mère elle a pas sa langue dans sa poche. Elle les renvoie bien chier comme il faut, les flics. Nous. Et toi. Bah tu vois quoi? Je vois pas là. Là on la voit pas là. T'as Christian, toi des fois il essaie de se révolter contre sa mère, toi en mode ouais ça se pas faire. Mais ça marche jamais, il s'en prend plein à chaque fois. C'est vrai. Et ça choque aussi que Christian ça fait il a eu son CAP charpentier. Ah bon? Ça tu le sais pas dans Grand Nature, tu le sais que dans c'est pas père. C'est, je crois que c'est Retour au pays ou Père et Fils. Un autre de leur spectacle. Il faut suivre toute la saga en fait pour connaître la vie des personnages quoi. D'accord. Ah ouais. Et encore, je ne connais pas tout ça. Je n'ai qu'une partie. Mmh. Ouais. Et en fait, ils sont sapés au bout de 38 fois déjà. Ah oui. Ça, c'est pour la vanne, à mon avis. Christian, il a plus de 40 ans, quoi. Il a 50 ans. Oh, ouais. Bordel. Ça, c'est pour la vanne. C'est comme, le plus vieux apprenti, encore apprenti. Enfin. Il sait pas, ils sont pas mieux à 50 ans. J'en ai déjà vu des plus vieux, des apprentis. Mais tu sais que ça me rappelle ça me rappelle l'anecdote d'un prof que j'avais quand j'étais en BTS qui a eu son bac pour la au bout de la troisième fois parce qu'on était en 68. Ouais. Donc, du coup, ils l'ont donné le bac en 68. Donc voilà. Il avait passé 5 fois son permis de conduire, mais il l'avait jamais eu. Donc j'ai mieux. On était un peu dans le même style de gars. J'ai 7 et 9, moi. Le nombre de fois où ils ont passé le permis. Deux personnes que je connais. Ah, oui. non, que je connais. Ah, des gens qui. J'ai un cousin, il l'a passé 7 fois. Alors que quand c'est que le permis, mais tu vois, quand c'est le permis, les examens, le machin, à un moment donné, il faut se poser des questions. Quoi. C'est vrai. Bah, moi, j'ai mis 5 ans à passer le permis, mais je l'ai eu du premier coup. Bah, félicitations. Déjà, tu ne fais pas partie de ces gens qui l'ont passé plusieurs fois. Mais sûr, elle l'a passé 2 fois. C'est que tu y allais pas tout. Rarement, en fait. Ouais, t'avais lâché l'affaire à un moment donné, non? Ouais, c'est ça. T'as fait une pause sympathique. Ouais. Ma sœur, ça fait 13 ans qu'elle a lâché l'affaire, mais elle est toujours dessus. Oui. Mais du coup, revenons au Baudin. Oui. Qu'est-ce qui se passe Déjà, ça commence mal parce que déjà, il doit chercher sa nièce, déjà en Solex. Ouais. Il y a un fil conducteur dans cette émission. Et le Solex, en fait, si tu veux, il est débridé. Enfin, si tu veux, il est débridé. Il vont pas très vite non plus. Les pneus lisses. Il va à 35 au lieu de 30. Voilà. Un pneu lisse, genre pas de lumière, que dalle. Et elle va chercher quand même sa nièce comme ça la gare. À la gare. À la gare du village parce qu'ils ont. Et c'est un choc en fait, si tu veux, son fils il doit faire son vaccin le même jour. Et son fils il aime pas les piqûres. Mmh. Bizarrement, c'est étonnant. Donc comment qu'a fait pour le vacciner? Bah lui plante l'aiguille. Un tir au fusil, non? Ouais, la seringue dans le fusil. C'est ça. Elle fait t'inquiète pas, je vais sur un bon mal. Si je me rappelle bien, il y a l'infirmière en fait qui vient pour faire la piqûre. Ouais. Et du coup, bah, l'infirmière elle arrive pas à choper le fils. Du coup, la mère attend, bouge pas, donne-moi ça. Hop, elle sort son fusil, elle met la seringue. Tu vois, j'ai vu ça, comme tu l'as dit. Et paf, elle l'allume. C'est très joli. Bah, même moi, toi, t'as son. Je crois que c'est son. Je sais plus. J'ai même plus. Son cochon, qui s'appelle en fait, Manu. T'as le père de sa nièce, en fait, elle l'appelle, elle fait ouais, faut que t'aies cherché ta nièce dans un quart d'heure à la gare. Ouais. Sauf que ça a plus de 30 km. D'accord. Donc, quand 30 km en Solex, bah. Bon, elle a fait une petite pointe. Ça paraît une éternité. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, du coup, elle se fait quand même. Elle va quand même vite, elle se fait choper par les flics, elle a des embrouilles avec les flics. Sauf à ce moment-là. Bah, la nièce, trop tôt, bah, elle a vu qu'il y a personne qui arrivait, donc elle est partie. Ça, ouais. Donc, déjà, elle s'est retrouvée dans la grange. Mm-hmm. Et le lendemain, en fait, t'as les gendarmes qui arrivent. Bah, c'est la marée-chaussée, hein, de toute façon. La marée-chaussée. Ouais. Oui, ils appellent ça comme ça, la marée-chaussée. Ils arrivent et puis. T'as, ils l'interrogent et tout. Et ta Maria, au bout d'un moment, fait ouais, c'était pas autant. Tournant autour de mon sexe, vous allez retrouver la nièce. C'est pas faux. Donc au bout d'un moment, bah, t'en as un, il s'énerve et. Bref. Mais si je me rappelle bien, il y a. Elle réapparaît en fait, elle était dans la grange. Oui, ça. Elle dormait en fait pendant qu'il la cherchait. Elle se réveille le lendemain, genre, oh putain, il fait trop de bruit le coq ou je sais plus quoi. Ah non, le coq il l'a puté. Oui, c'est vrai, elle l'a flingué avant. Mais. Oui, même que le coq, je crois qu'il s'appelle Sarko en plus. Alors oui, faut savoir, il y a un truc spécial dans les Baudins. Oui. Si je me trompe pas, tous les animaux, ils ont un nom de politique. Oui, genre t'as le bouc qui s'appelle DSK, t'en as un qui s'appelle Marine, l'autre elle s'appelle Brigitte. Ouais, c'est une nouvelle version, la vraie nouvelle version c'est Brigitte. Ouais, ils ont changé. Ouais. Ah bah, c'est Ségolène. Ils réadaptent, ouais. C'est ça. Ils se mettent au goût du jour. Ouais, c'est ça. Ils sont pas si bêtes. Oh, petite vanne, si quelqu'un a compris. Voilà. Oui, du coup, la nièce, elle t'est là, et ils vont avoir des emmerdes avec leur fabrique de fromage, c'est parce ça. Que c'est ce qu'ils font hein, comme activité. Oui, c'est Baris qui a la machine de fromage qu'ils ont fait. Ouais. Bah, c'est Christian qui l'a fait, en fait. Ouais, alors ça pose pas de problème. Le plus gros problème, c'est au niveau de l'hygiène, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ils ont des déjà, problèmes. Bah, t'as le. L'inspecteur. L'inspecteur sanitaire qui passe. Et au même moment, bah, toi, t'as marié à mon dans la chambre froide, t'as fait. C'est pas vrai qu'il était à me repeindre le fromage, enfin l'étagère fromage avec le fromage frais dessus. Oui. C'est vrai, son fils, il a repeint le frigo, lol. On va dire l'étuve hein, plutôt à fromage, mais il a laissé les fromages, il a mis son élevage de tétards aussi dans les oui, fromages. Oui, à côté, genre, je crois que t'as un loir qui est dans la tapette à rage, je sais plus, des trucs comme ça. C'est ça, puis il fait 35 degrés là-dedans, au dieu de 4. Et puis t'as un spectre tout à fait normal. Donc il entend tout. Puis t'as Christian, il vient le voir, il fait bonsoir, c'est pour du fromage ? Oui, vous en fallait combien ? Bah non, moi il m'en faut pas, je suis inspecteur sanitaire, je viens vérifier votre installation. Ça, et là il se sent mal, et du coup. Donc dans le spectacle, que je comprenne bien, il y a les deux personnages principaux qui sont la mère et le fils. Et il y a d'autres personnes qui interviennent aussi. Ah oui, il y a plusieurs personnes en fait. D'accord, donc d'autres comédiens en fait. Ils sont moins d'une dizaine, non ? Ok. Ils sont une dizaine, non ? Je sais plus. Non, moins que ça, je crois. Attends. Moins ? Peut-être. Infirmière, recteur. Ouais. Après, ils jouent plusieurs rôles, hein, mais. C'est les mêmes, en fait. c'est ça ! Ils sont 7. Ils sont 7. 7 ? Ouais, ok. D'accord, très bien. Et du coup, quelle est la finalité de ce truc ? Parce que du coup, c'est ça l'intrigue. Spoiler principale. Pas la fin ! Bah non ! Non, je spoil pas. Faut pas spoiler, mais. Bah, racontons un petit peu alors le. Comment dire le... L'intrigue. Ouais, l'intrigue. Ouais. L'intrigue, en fait, c'est qu'ils ont un problème sanitaire avec le fromage. Et du coup, ils peuvent plus vendre de fromage, c'est ça. Si sauf que bah pour eux, toi, c'est quasiment leur seul revenu. Ouais. Revenu, parce que par le fromage, bah. Et du coup, ils vont tout faire pour à essayer part de rouvrir. Ils retraitent à elle, mais. Oui, bah. Ouais. À part chasser la nuit aussi, enfin, braconner la nuit. Ouais. Voilà. Il y a un moment marrant comme ça, c'est quand on fait sauter les taupes. Oui. Quand on tue les taupes. Elle a une technique particulière pour chasser la taupe de ses jardins. Elle utilise la dynamite. Ah, les explosifs des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tu sais que ça me rappelle une vidéo qui est en train de tourner sur Internet là en ce moment. Je sais pas si vous l'avez vu pendant le confinement. C'est un mec qui est dans son jardin et il doit y avoir une taupe et il met, on imagine un peu de dynamite, enfin un peu. Oui, je l'ai vu celle-là. Et ça retourne le jardin. Vous l'avez vu ça ? Oui. Oui, mais qu'il y avait le chien qui était pas loin. Oui, il y a les chiens qui étaient là et les pauvres. Mais il y a plus de jardin après, hein, tout simplement. Je sais pas ce qu'il y a pensé dedans par contre. Je sais pas, mais en tout cas, ne pas refaire chez vous. Vous les labourez tout le champ, ça peut marcher. C'est sinon, pas une bonne technique non, de chasser la taupe à la dynamite. Non, clairement. Donc voilà, donc c'est ça l'intrigue principale, si j'ai bien compris. Et qu'est-ce qui t'a plu et ce qui t'a déplu J'allais le dire. Ah bah, tu vois, par transmission de temps. Déplu, bah y'a pas grand chose qui m'a déplu parce que franchement, ça sort de rire tout le long quoi. Ouais. Parce que moi, franchement, moi, j'ai bien aimé. Même mes parents ils m'ont dit, bah écoute, on va aller voir en vrai. Moi, j'avais. C'est quoi ce quick ? Le quick, c'était le quick du sourire. Ouais, c'est ça. Ouais. Il avait la banane jusqu'aux oreilles. Quoi. Et pourtant, ce jour-là, il y avait un match de foot, il y avait France-Allemagne. Ouais, bah alors là, oui. France-Allemagne, les bonnes. Ouais, ouais. Ça ne m'aime pas. Laissons le foot au footeux ouais. et les PK au PK. Ouais, exactement. Non, et franchement, moi, franchement, bah, c'est bien marré. Des bons souvenirs. Et du coup, t'as été les voir et. Il y a quelque chose qui t'a marqué de différent de le fait de le voir en vrai plutôt qu'à la télé ? Bah déjà en vrai déjà bah c'est un peu pareil toi t'as j'imagine bah déjà toi quand ils... les gens ils sont plus moches en vrai quand ils font... ils voient les petits bonhommes en noir passer devant non franchement toi quand ils font sauter par exemple les taupes ouais toi t'as pas l'odeur de la poudre toi de voir des pétards alors jusque là oui on n'a pas inventé la télé 7D 4D 4D suffit ouais. Mais ouais c'est effectivement et donc du et coup l'odeur de la poudre t'as aimé non, alors, personne ne s'imaginait autre chose comme poudre que de la poudre de pétard. Évidemment, ouais. Voilà l'odeur de la poudre, bien sûr. Ah, franchement, ça s'est bien élevé en vrai. Et t'as pu avoir un autographe ou leur parler ouais, on a eu un poster et tout, signé et tout. Oh là là, et est-ce que tu recommanderais à n'importe qui d'aller voir ça ou même à des enfants, n'importe qui ah, oui, moi, c'est ou c'est pas trop vulgaire, ça non, va non, ça c'est pas trop vulgaire, franchement. Hein ? C'est quoi comme type d'humour ? C'est de l'humour noir ? C'est de l'humour... C'est de l'humour campagnard. L'humour naziste. Il y a de l'humour politique aussi. Beaucoup, parce que franchement, les hommes politiques, ils prennent très cher. Ils prennent très très cher. Mais... Je sais pas, il y a quand même avoir... Il doit y avoir une limite d'âge quand même un peu. Hein. Ouais. Ouais, tu vois bien toi quoi, ado, on va dire. Ouais, voilà, parce que... Je sais pas, en tout cas, moi, quand on était voir un spectacle, on a vu des enfants et tout, donc... Il y a des trucs limite. Ouais, ou alors les enfants peut-être ne comprennent pas tout, du coup ça peut passer aussi. Ouais. C'est vrai. Mais bon, c'est bon, ça reste quand même assez familial, mine de rien. Bon, bah, le principe. Tu mettrais une note sur combien ? Ah, franchement, je mettrais allez, 10 sur 10. 10 sur 10 pour, Ah ouais. La perfection. La perfection, c'est ça. D'accord. Ah, vraiment, je vous le conseille. Et bah, du coup, moi, comme je suis pas quelqu'un qui aime la perfection, je dis 9,99 sur 10. Marguerite, tu l'as vu ? Pas du tout. Moi non plus. Je connais vaguement de loin. Et moi, vaguement de loin, je mettrais 3. C'est vrai ? Sur 10, ouais. Ouais, parce qu'il y a effectivement quelques vannes qui m'ont fait sourire. Mais gros, non, en vrai, c'est pas... C'est trop lourd peut-être, non ? Ouais, enfin, je trouve que c'est... Après, c'est sur un sketch de 2 minutes, tu te dis, ok, sur un spectacle de 2 heures... C'est redondant, quoi. Ouais, ça m'insupporte, en fait. Ouais. Et quel genre d'humoriste vous aimez, alors ? Bonaïmin. Évidemment, bien sûr. Bonaïmin. Bigard. Non. Lui, je crois que c'est l'humoriste le plus détesté, maintenant. Ah non, moi, j'adore. Voilà. Ah bon, mon humour. Mais c'est que t'en connais pas d'autres, c'est pour ça. Mais non, ouais, Bounaïmi par exemple, ou moi, comme je disais, Paul Taylor aussi, j'aime beaucoup. Très cool. The What the Fuck France avec Canal Plus et son spectacle récemment. Verino aussi, qui est très sympa. Il y en a un que je connais, ce genre. Verino. Je connais pas du tout. C'est très cool. Pour moi, c'est tous les humoristes de la nouvelle scène en fait. C'est plus les anciens comme Gad Elmaleh. J'ai un humoriste. C'est la nouvelle génération. Kevin Adams aussi, j'aime beaucoup. Oh là là. Non. Scission dans les Pink Avengers. Attention, je précise pourquoi. Avant, j'étais pas fan de Kevin Adams sauf dans Soda et encore. Mais j'aimais bien les films dans lesquels il participait en tant qu'acteur. Je trouvais que voilà, ça donnait le sourire. Non, mais ça donne le sourire quand tu vois le film parce que c'est nul, c'est un nanar. Mais tu sais que c'est un nanar et du coup, bah, quand tu le prends tel quel, bah, t'apprécies bien la chose. Non, il y en a un dans lequel je trouve qu'il jouait pas mal. C'est le seul d'ailleurs qui m'a plu, hein, de Kevin. C'est le seul ou qu'il est pas dedans ? Non, celui qui est pas dedans. Je me rappelle plus le nom du film, mais c'est quand il joue avec Franck Dubosc. Ah oui, je l'ai vu. C'est pas les profs, je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est pas les profs, non. Il fait le garçon et l'autre c'est le grand-père. Enfin, il y a un truc du genre. Enfin, c'est un vieux monsieur, quoi. Mais je l'ai pas vu celui-là, tiens. Bah, tu me fais penser, faudra que je le vois. Et je trouve que c'est le seul dans lequel, voilà, il joue à peu près correctement. Mais non, les autres, non. Ouais. Si, il y a un humoriste, moi, que mon père m'a montré, c'est Jean-François Derek. Ouais, ça me dit rien. Ça me dit rien. Il a fait un sketch, franchement. Il a quel âge, ton papa ? L'âge de Bigard. 48. Moi, bon, c'est pas une si vieille génération que ça. C'est pas faux. Parce qu'on a quand même des représentants de un petit peu toutes les générations, sauf plus de 40 ans quand même, parce qu'on est une équipe de jeunes et que vive la jeunesse. Comment s'attaque Ah, réagissez sur les réseaux sociaux. Hein. On a un Facebook, un Twitter. Bientôt un Insta. Bientôt un Insta, ouais, qui est en train d'être mis en place. Je dirais donc, même mieux. Donnez-nous votre humoriste préféré. Ouais, voilà. Ça pourrait être sympa. Comme ça, si ça se trouve, on fera peut-être un jour, un pendant top, la saison 2 des Peck Avengers, ouais, on parlera d'humoriste. Un top humoriste des auditeurs de Peck Avengers. Ouais. Ça serait bien. Ça serait pas mal. Non, moi j'aimais bien à l'époque Gad Elmaleh. Après, je trouve que bon, il a tourné un peu en rond et ses nouveaux spectacles. En plus, il a tout piqué aux Américains. Ouais, voilà. Il y a des artistes qui sont très controversés quand même, d'humoristes. Hein. Il y en a, ils prennent vraiment très très cher en quelques secondes. Bigard, par exemple, pour moi. Déjà, je l'aimais pas spécialement trop avant. Maintenant, là, il prend vraiment très très cher. Gad Elmaleh, il a. Bah, il a pris cher, effectivement. Il est monté tout en haut, mais il est redescendu. Bah, parce que déjà, bon, il a fait. Il a eu une attitude personnelle, tu vois, qui était pas forcément très cool, et du coup, ça s'est ressenti. Ouais. Et puis en plus, bon, il y a eu des affaires. Voilà, comme quoi il aurait piqué des blagues un peu droite à gauche, donc forcément, ça décrédibilise. Et du coup, ils font des sketchs sur Gad Elmaleh qui piquent des blagues. Mais il y a des spectacles de Gad Elmaleh qui, à l'époque, étaient excellents, je le trouvais. Ça reste quand même un grand humoriste. En parlant d'artiste. Eh ben moi, en parlant d'artiste, je reviens juste sur les humoristes. En plus, qui fait de la chanson en même temps qu'il chante. Vous la connaissez peut-être. Mais non, Laura Lone. Bah oui, Laura Lone, elle est excellente. Oui. Franchement. Si je pouvais l'épouser. Courez. Ah non, mais... Je le ferai direct. Non mais je crois qu'on va plus s'entendre là-dessus par contre. C'est la mienne. Mais on va pas faire de jaloux. Il y en a une qui prend Laura Lune, il y en a une qui est excellente et qui passe sur Indestar. C'est Guédret aussi qui est dans le même délire. C'est vrai qu'elle est sympa. Est-ce qu'elle est jolie Guédret, tu elle est très jolie Guédret. Elle ressemble à Laura Lune, hein. Petite blonde, toute mignonne, etc. Mmh. Mais qui fait des trucs dégueulasses. Tu veux dire qu'elle ressemble à Zaz ou... Non. Bah, je vois pas le rapport avec Zaz là. Non. Tu sais, fait pas de l'humour en même temps. Petite blonde mignonnette. Tu vois, mais, oui. Mais pareil, Guédret, quand elle entend ses paroles, je fais ah ouais, elle est mignonne par l'apparence et ses paroles sont très crues quoi. D'accord. Mm. Et il y a aussi Marina Rollman, peut-être que vous connaissez. Ah, ça me dit rien, non. Oh, c'est vrai. La drôle d'humeur de Marina, je crois, sur RTL ou une grande radio. J'ai dû voir son sketch. Parce que voilà, il y a plein de sketchs qu'on peut voir là, quand on est à Montreux ou même dans des radios, etc. Et puis, alors, je finis avec ça, je suis désolé. C'est juste un dernier. C'est un rebeu. Ouais. Peut-être que vous le connaissez, c'est pas Abou Naïmine. Rachid Badouri, non. Il faisait les 40 Glorieuses sur Rire et Chanson. Que c'est que ça, les 40 Glorieuses? Moi je connais les 30 Glorieuses, moi. Non, les 30 Glorieuses, pardon. Oui. Ah bah voilà. C'est la même chose. Bah, les 30 Glorieuses. Et c'est qui? Et c'est qui du coup, Théo? Si tu te souviens? Ah non, mais je sais pas, moi je connais les 30 Glorieuses, période d'après-guerre, où, l'industrialisation, etc. pas l'émission, pardon. Et bah vous savez quoi? Je vous le teaserai tout à l'heure quand je vous en reparlerai. Ma foi. D'accord. Mais on va parler d'une artiste aussi tout à l'heure. C'est vrai, je peux? Oui, tu peux, vas-y. Mia Rose. Artiste Indestar que vous entendez régulièrement à l'antenne. Effectivement, on va faire un petit tour de sa carrière, hein, et ses différents titres qu'elle a pu sortir depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Elle a commencé fin 2006 sur YouTube. Elle a commencé avant ou après Anafrique? Elle a commencé juste avant, parce que je vous raconterai l'anecdote tout à l'heure, teasing. D'accord. Voilà, on écoute Lucas avec Memories, la reprise des Maroon 5. Ah bah sans doute, hein, parce que je l'ai pas devant moi. Mais non, je sais. Elle l'a fait exprès. C'est pour ça que je me permets. Reprise des Maroon 5, alors par Lucas. Peak Avenger sur Indestar, c'est mieux que le jeu vidéo Aquaman sur Xbox. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peak Avenger. Et je dirais même, ce Aquaman sur Xbox, c'est mieux que Aquaman sur PS4. Non, je déconne. Non, c'est bon. T'as joué aux deux? T'as comparé les graphismes? Ah, mais totalement, j'ai fait des heures et des heures dessus. Non, c'est pas vrai. Qui joue Aquaman, personne? Non, mais pas, déjà, Aquaman, Jason Momoa, y a rien qui est mieux que le film, c'est obligé. Alors, oui, dans l'univers Aquaman d'ici, le film, c'est ce qu'il y a de mieux. Avec Jason Momoa, c'est lui qui rattrape tout. Ouais. Enfin, fin du débat, c'est... Il n'y a pas à en chier 36 km. Là, c'était tu vas nous. Hein? C'était classe comme expression. Non, mais... ouais. 36 km, ouais, c'est pas vrai, c'est pas en mal. En fait, je cherchais l'expression, je l'ai pas retrouvée. Mais... Bah, tu te lâches vachement sur les mots vulgaires. Va chier! Par exemple. En même temps, on n'est pas sans, on n'a pas de censure. Hein. On peut y aller. Non, tout mais. Bon. Non, mais faut les lâcher au moment, quoi. Ouais, c'est vrai. Je vais arrêter de dire des mots vulgaires. Parce que sinon, ça a commencé à me trouer le cul, quoi. Excusez-moi du terme. Qui en a encore une autre? Non, ça va, on va arrêter là. Alors moi, il m'épate. On va parler de quelque chose de plus gracieux, de plus... Gracieux, effectivement, ouais. C'est le mot, tout à fait, Teddy, pour parler de cette chanteuse qui fait partie de la playlist d'Indestar depuis fort longtemps, depuis le début, hein, depuis 2009. Mmh. Chanteuse anglo-portugaise qui a 32 ans, on nous appelle et on interrompt directement mon intervention. Allô, Kimana, je te prie. Batman. Batman. C'est Batman qu'on a en fait. Il a entendu qu'on parlait d'Aquaman et du coup il s'est dit tiens, je vais appeler le concurrent. Donc si je comprends bien, on peut gâcher, prix que ça coûte. Ah là, le son était en stéréo. Qui est avec nous à part Batman? Robin. Sean Dean DeComics. Ah. Sean Dean DeComics. Ah bonsoir. Bonjour. Sean. Bonsoir, tu vas bien? Sean. Comment vas-tu? Eh, ça va et vous? Tranquille, l'émission se passe bien? Bah ouais. Comme c'est tu le vois, dire, bah, jusqu'à maintenant, cool, hein. Oui. Après, on te cache pas que depuis ton appel, on sait pas ce qui va se passer, mais. T'as peut-être quelque chose à nous dire, du coup, si tu nous appelles. Ah bah non. Bien sûr. Non, j'ai rien à vous dire, salut. Non, je vais raccrocher, écoute. Hein. Bon, sympa, bah merci, Sean, non, c'était sympa. Je sais pas qui t'es, mais t'es un très bon auditeur. T'as peut-être quelque chose à nous dire sur Indé Comics, si je me trompe pas. Mais oui, je vous fais marcher. Ah. Indie Comics, qui est normalement en article sur Indestar, va passer pour cet été en podcast. Pardon, j'ai pas de bruitage. Ouais, donc en gros, là, oui, avant, t'avais des articles sur des comics, c'est bien ça? Ouais. Que tu choisissais toi-même, évidemment. Et maintenant, tu vas, pendant les grandes vacances, tu vas les faire en podcast. C'est ça. Et qui seront retrouvés sur indestar.fr, si je me trompe pas. Oui, ça, ils seront diffusés aussi en même temps sur, sur la radio. Et qu'est-ce que c'est Indé Comics? Parce que personnellement, je connais pas et pourtant, je vais souvent sur le site internet. Eh ben, c'est que tu regardes même pas la page d'accueil, mon petit. C'est vrai, généralement, je vais sur le site pour avoir les replays des Peck Avengers. C'est une question intéressante quand même, parce que si ça se trouve, il y a des gens qui connaissent pas Indé Comics. Bah, moi, je connaissais pas jusqu'à qu'on en parle là, donc je vais faire l'auditeur qui ne connaît pas. Alors, vends-nous en 30 secondes, Thomas, Indé Comics. Sean, pardon. Indé Comics. Merci, Yann. Petite dédicace à Lise. Pas mal, pas mal. Alors, Indé Comics, c'est tout simplement des articles qui ont pour but de parler de comics que j'ai lus, de faire des reviews de comics, présenter l'univers des comics, mais aussi les artistes qui composent ce paysage culturel-là. C'est pas histoire de parler de pop culture de manière générale pour permettre aux gens de s'introduire dans ce milieu-là. D'accord, bon, c'est cool. C'était une bonne présentation. Ouais. Ouais. Très bien, très très 30 bien. Secondes, très j'ai bon, presque accroché. J'ai passé ma soirée. Et ben, du coup, ouais, on va te souhaiter une bonne soirée d'ailleurs à ce propos. Bah, juste quelques petits exemples de comics qui sont sortis et que vous pouvez retrouver en article sur le site d'Indestar. Ton top 3. Alors, il y a Scott Pilgrim vs. The World qui est vraiment le top 1. Après, ouais. on a quoi d'autre ? On a Bloodshot, où je fais une review du personnage de manière générale pour lui rendre honneur par rapport au film qui est sorti récemment. Mmh. Et le premier des comics, c'était sur Noah Wishbullet, qui est franchement pas mal. D'accord. Et bientôt, il y en aura un sur... Attention, ça va être sur Hellboy. Oh, c'est celui qui va sortir la semaine prochaine ? Probablement. Non ? Probablement. Si j'ai pas la flemme. Sean, c'est un grand nerveux. Sean, c'est un grand rédacteur toujours présent toutes les semaines ou tous les jours. Ah non, mais c'est que là, il dormait en fait. Il dormait. Ah. Bon, il s'est réveillé, il dit « Oh, il faut que j'appelle Indestar. » Bah ouais, bah, voilà. Thomas se couche à 20h30. Exactement. En tout cas, on sait que t'es souvent débordé, donc on te fait des gros bisous et merci de nous avoir appelé. T'es la bienvenue quand tu veux, peut-être qu'on te verra un jour dans Pékin. T'es la bienvenue. Alors, Sean, vous ne le savez pas, mais c'est une personne un peu particulière. On n'a pas dit si c'était un mâle ou une femelle. Non. C'est vrai. On n'a pas précisé. Herma Sean, Frédit, tu peux être n'importe quoi. Tu es ce que tu veux, tu choisis. Et voilà. Oui, je suis ce que je veux parce que je suis Batman. Ah, voilà. Eh bien, Batman, retourne à Gotham. On te fait des bisous. Voilà. Batman, on te souhaite une bonne mission pour cette nuit. Voilà. Et fais attention à Robin. Exactement. Et puis, on te remercie d'avoir appelé. Tout allez, à fait. On te fait des bisous. Merci à vous. De rien. Salut Yann. Salut. Ciao. Et ben voilà. Toujours plaisir à un petit Sean. Un Sean sauvage qui apparaît en voilà. Présentation, c'est sympa. Voilà. Donc on parlait de Mia Rose avant l'intervention de Batman. Ah oui, c'est vrai. Oh, Mia oui. Rose. Ah bah non, on passe d'un extrême à l'autre. Yeah. L'artiste Indestar la plus populaire avant Anna Free ou après Anna Free? Populaire en termes de quoi? Après Lindsay Sterling. D'après toi, cher directeur. Tu veux dire en termes de nombre de vues, nombre de passages radio, en etc. En termes de toi, il a dit. En termes de toi, selon toi. Ah, en termes de moi, bah non. Enfin, forcément, il y a Anna Free qui passe devant. Mais cela dit, j'aime beaucoup Mia Rose. Hein, y a pas de souci de ce côté-là. Et ça fait partie des artistes piliers d'Indestar depuis le début, je le disais. Donc, elle est anglo-portugaise. Ah, ouais. Elle a 32 ans, elle est née à Londres, hein, tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, voilà. Hein, Ismaël. Je disais qu'elle était de Londres, exact. Mais je me suis trompé dans les termes, elle est née à Londres. Elle voilà. est née à Londres, voilà, et elle répond au doux prénom de Maria Antonia Teixeira Rosa, voilà, ça fait très portugais. C'est un beau prénom ça. J'aime bien Mia Rose. Ouais, bah oui, c'est peut-être pour ça qu'elle a contracté son nom. Elle était mannequin dans les années 2000, donc quand elle était petite, hein, pour l'agence Young Face of London, donc à Londres. Of course, very well. Exactement. Elle a posé pour des magazines prestigieux hein, comme Rolling Stones ou The Sun. Oh, ok. Ça va, tranquille. Et puis à l'âge de 15 ans, tu vois, l'adolescence, elle déménage à Cascais, c'est à côté de Lisbonne, au Portugal. Et là, elle fait la rencontre effectivement de sa meilleure amie, Anna Free, puisqu'ils vont à une école internationale que j'ai visitée, l'école internationale de Cascais, où tu ouais. apprends, où tu parles un peu différentes langues. Il y a des écoles un petit peu comme ça qui existent partout, où tu fais un cours en anglais, un cours en portugais, un cours en français, etc. Et ça te permet de. Château. Exactement, d'être polyglotte. Et puis arrivent les années 2000 où arrive la plateforme YouTube, hein, qui était d'abord en anglais, et où on peut poster ses vidéos dessus et se faire connaître grâce à ça. Et c'est ce qu'elle fait fin d'année 2006. Et ça cartonne en fait pour elle. Y a par exemple des musiques comme la reprise d'Even de Bryan Adams, c'est celle-là. Hein. Attends, c'est pas ça. On va essayer de mettre que Mia Rose là. Que je la qualité était pas top à l'époque. Hein. Non. Qualité YouTube. Exactement, voix, oui. Parce que. Mais la voix est top. Ouais, 20 millions de vues hein, quand même pour, oui. Pour cette reprise. Ouais. Et oui, c'est l'époque où tu filmais avec ton appareil photo numérique, tu vois, de 3 millions de pixels et. Et t'enregistrer avec le son. Et t'enregistrer avec le son, ouais, mais tout le monde était comme ça, donc si tu veux, ça choquait personne, et voilà, c'était la norme sur YouTube. Là, 20 millions de vues pour celle-là, les autres qui ont suivi dans le même style, etc. Et c'est pour ça que, si je peux faire le parallèle avec Anna Free, elle en a parlé à Anna juste après qu'elle ait sorti ses premiers titres-là, en disant, bah, toi qui fais de la musique aussi, tu devrais faire pareil, quoi, tu devrais mettre tes musiques sur Internet, YouTube. Et bon, ça cartonnait aussi, quoi. En 2008, elle déménage à New York pour ses études. Et là, elle signe avec le producteur qui s'appelle Ryan Leslie, qui est un producteur assez connu. Et elle fait avec lui des premières chansons. Mais très vite, elle se rend compte en fait que l'univers qu'il lui propose et qu'il lui impose surtout correspond pas forcément à ce qu'elle a envie de faire. Il lui propose notamment un album un peu hip-hop et elle a pas envie de faire ça. Donc elle décide de quitter ça. Et puis à la fin de ses études, elle quitte le royaume, les États-Unis, pour retourner au Portugal, donc son pays où elle a passé son adolescence. Et là, elle signe avec un label indépendant portugais qui s'appelle Plural Entertainment, où elle commence à produire de nouvelles chansons. Et en 2009, le premier hit de Mia Rose au sort, ça s'appelle Let Go, et c'est numéro 2 au Portugal lors de sa sortie. Ça donnait ça. Et ça passe sur une des stars. Collides in your heart with the fear of losing what you've just given up as a moment's past. Je trouve ça très pur la façon dont elle chante. Ouais, elle a une voix très cristalline. Ouais, ouais, ça te prend en direct. Donc Let Go qui arrive numéro 2 des charts, c'est pendant un moment hein, au Portugal, c'est ce qui lui permet de se faire connaître. S'enchaîne une reprise notamment, Falling For You, c'était qui? C'était Colby Kaya, qui a cartonné aussi. What Would The Christmas Be Like pour Noël, bien entendu. Friend Of Love, voilà, ça, c'est quelques-uns des titres qui ont cartonné durant cette période. À côté de ça, elle continue le mannequinat. Et puis elle se lance après sur internet dans tout ce qui est lifestyle, tu vois, le style de vie, un petit peu influenceuse hein, ouais, avec Instagram, oui. Etc. Tu vois, la cosmétique. Je suis moins fan des gens comme ça, du coup. Bah, oui, enfin après, tu vois, elle a toujours été dans le mannequinat aussi, hein, donc. Elle est dans le monde de la pub, etc. Dans le monde de la pub, voilà. Etc. Donc, elle prolonge ça effectivement avec les nouvelles technologies et les nouveaux outils qui sont à sa disposition. Concernant sa vie privée, elle est amoureuse. Elle est mariée depuis 2017. Et elle est mariée depuis 2017. Ça y est, tu l'as vu l'information. Non, je vais même pas regarder mon téléphone. Non, pas du tout. On est juste souvenu, ça l'a tellement marqué. Exactement. Ouais. Bah, c'est dit mince, c'est la fin de ma vie. Et elle a eu un enfant. Alors par contre, j'ai eu du mal à déterminer si c'était un garçon ou une fille, mais peut-être que. Quelques années, je le saurai. Voilà, je crois que c'était il y a 2 ans, hein, donc petit enfant, voilà. Tant mieux. D'ailleurs, petit aparté, Katy Perry est aussi enceinte en ce moment, la grande chanteuse, et va bientôt mettre à bas. Elle a un gros bidon, ça c'est bizarre. Ah bah oui, on dit ça plus pour les animaux, mais elle va accoucher, quoi. Je respecte ton choix de formulation. J'aime ce genre. D'accord. Voilà. Bah enfin, tous les cas, pour revenir à Mia Rose, elle continue à faire de la musique. Après, c'est vrai qu'elle a fait aussi actrice dans une série, notamment au Portugal, hein, qui avait pas mal fonctionné. Elle fait diverses activités, mais la chanson reste toujours l'une de ses priorités. Elle a fait son dernier album remonte il y a 2 ans où elle avait fait diverses collaborations, etc. Donc c'est pas forcément la seule et unique chose qu'elle fait dans sa vie, oui. Mais ça fait toujours partie de sa vie et cela depuis pas mal de temps maintenant. Voilà. D'accord. Et elle continue de faire, enfin, une des dernières vidéos qu'elle avait fait en collaboration avec, avec d'autres chanteuses, c'était pour le coup avec Anna Free, sur une reprise de Justin Bieber. What do ou you Timberlake. Mean? Non, ah oui, what do you need? Ouais, ça. On entend plus Anna Free, hein. Oui. Presque a cappella. Ouais. Moi j'ai une question, t'arrives à différencier les deux voix? Ah bah ouais, clairement ouais. Bah oui, quand même. Ah ouais. Bah oui. Ah ouais, je trouve que justement ils ont pas du tout la même voix. Anna Free, elle a plus une voix, enfin un timbre beaucoup moins cristallin que ouais. Mia Rose. Anna Free a une voix beaucoup plus puissante, ouais. et Mia Rose une voix plus douce, ouais. Mm. Soit. Soit. Non, t'es pas convaincu là, t'es dit. J'ai pas vu la différence. J'ai cru que c'est la même personne qui chantait. Je me suis dit, attends, comment on fait pour différencier? Mais bon, c'est, bon, moi je suis pas très bon non plus en termes. Non, mais là, enfin pour le coup, je trouve qu'elles ont vraiment des voix différentes. Des fois, t'as des chanteuses qui ont une voix à peu près similaire ou c'est un peu plus difficile à différencier. Mais là, non, d'accord. Je vois pas. Mais si bon. Tu veux, je peux me rattraper en disant qu'elle a un fils. Ah, c'est un fils. C'est un d'accord. fils qui s'appelle Mathéus. Ok. Mathéus. Ouais. Oh, c'est moche. Allez, ça c'est gratuit. Bien. Alors, artiste in the star, mais le fils, jamais. Ouais, bon, bah, voilà, on peut on ne critique pas les artistes in the star quand même. Non, non, non. Ah, bah, non, hein. Mais on peut critiquer le nom de leur leurs fils. Enfants, ouais. Ouais, ça va. Oh. Non, ce qui compte, c'est le talent. Et le talent, elle l'a. Donc voilà, tout va bien. On s'excuse auprès de tous les Mathéus qui nous écoutent, bien évidemment. Tout à fait. Pour la gêne occasionnée par le directeur de la société Indestar. Voilà, bah, grande société d'association située dans le centre-val de Loire. Oui, venez me casser la gueule, j'aime ça. Mathéus, c'est un grand nom quand même de la pop culture. Mathéus? Ah non, c'est Morpheus, putain. Waouh! Waouh! Wow, autant pour moi, ouais, j'ai compris. Ouais, mais tu me fais peur des fois, t'es dit. Hein. C'est vrai, je fais peur. Mais bon, je crois que la prochaine musique, tu as fait plus ou moins exprès de la mettre. Non, alors ma question, c'est est-ce qu'on aura la chance d'écouter une Mia Rose en entière? En ou de la goûter? Oh, tu veux écouter Mia Rose? Parce que pour le coup, j'avais prévu. Enfin, Anna Free était dans la playlist pour la suite. Mais attends, je peux changer. Oh, il enlève du Anna Free pour. Bah, mais la musique, ça se goûte, ça s'écoute, ça se voit, ça se ressent. Ouais, exactement. Ouais. Tu passes par tous les états. Tu veux des palmes pour tenter de te rattraper ou pas? Non, mais ça, je trouve ça très beau. Est-ce que vous voulez une musique en portugais? Allez. Allez, pourquoi pas. Soit, soit. Alors, qui était la BO de, d'une des séries dont elle a participé. Elle avait fait aussi cette BO. Alors, j'essaye de prononcer correctement le titre, parce que c'est en portugais. Estupala o Kenneth Vlier. J'ai tout compris, Achoum. Voilà, absolument tout compris. Je peux vous le faire en français portugais, si vous. Vas-y, essaye, t'es dit. Estupala o Kenneth Vlier. Ah, j'ai bien compris là. Tu vois, hein. Estupala o Kenneth Vlier. Ou je sais pas quoi. Bon, je pense que dans les deux cas, c'est du massacre du Portugal. Voilà. Tous les Portugais qui nous écoutent. Ouais, on est pardon. Désolé. Moi, je m'excuse pas, leur langue elle est compliquée, c'est de leur foutre. Mais non, c'est tellement mignon le portugais. Je connais l'anglais, c'est tellement mieux. Non, mais c'est non. Ou le japonais. Ouais, ouais. Ah, non, team japonais, c'est bien. Non, non. Bon, chacun on en écoute donc Mia Rose avec, oui. Avec ce titre. Et juste après, on a quoi? Bah, juste ben... après, on va parler jeux vidéo. Ouais. Ah ah. Non, tu nous as. On s'en fout. Allez, boum. Ou cinéma. On s'en fout complètement. Au choix, tu soit c'est Ismaël, soit c'est Marie. Eh bah c'est la surprise, alors bah, restez sur Indestar. La surprise alors, très bien. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Nous sommes de retour parce qu'on n'était pas parti de toute façon. On a écouté la musique de Mia Rose. Enfin, si t'étais dans le studio B. Oui, voilà, je suis. Oh, parti, écoutez, écoutez, on a bien été sur Wikipédia surtout. Non, mais moi c'était les photos que je regardais. Ouais. Je regardais c'est qui son mari là pour voir s'il y a moyen. T'as vu son moyen nom de quoi. Non, il y a pas moyen. Non, je le dis pas son nom de famille. Il est trop compliqué. De quoi le... À son mari. Ah. Parce que j'ai vu, il y a Mathéos de Mignon. Ah bah et voilà. Ouais. Donc bon. Là, ça devait être Ismaël ou Marguerite qui devait nous faire un sujet. Ouais. Mais du coup, on en a discuté. Ouais. Ouais. On s'est concilié. Ouais. Voilà. Finalement, on va vous parler d'un sujet commun. Ouais, voilà. C'est ça. Ça c'est bien, ça c'est la bonne conciliation. Ça. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit jingle retour vers le futur ou un truc comme ça? Il fallait les prévenir avant. C'est pas comme si l'interview était prête. T'as peut-être un bouton de bruitage devant toi. Alors, Regarde, cherchons. Qu'est-ce qu'on a? On a du baratin, mais c'est pas du baratin qu'on va vous présenter. Et sinon, fais un gong ou je sais pas. Tu dois avoir un bruitage assez intéressant. Gong. Gong. Voilà. Et c'était pour donc. Voilà, bon, de toute façon, les bruitages ne fonctionnent plus. Le matériel, Indistar tombe en miettes. Bon, bah voilà. C'est la fin du monde. Venez nous sauver, s'il vous plaît. Des zombies sont dehors. Ah, bah c'est Sean, justement. Il va venir. Ouais. C'est un zombie, Sean. C'est. Mais non, c'est Sean of the Dead. Bah oui. Mais enfin. J'adore. Si Thomas était là, il t'engueulerait. Non, parce que je connais la série Cornetto. Voilà. C'est bien. T'as vu, j'ai révisé. Alors, vous allez nous parler, pas de la série Cornetto pour le coup, voilà. Vous allez nous parler d'un truc que vous avez fait il y a un petit moment maintenant. Ouais, ça s'est passé juste avant le confinement, une petite semaine avant. En fait, on va faire un gros retour vers le futur dans l'année 2020. Waouh. On part vraiment loin avec la DeLorean. Retour l'avant-dernier week-end, ou le dernier week-end de février. Je sens que c'est ça, ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait de beau, dis-moi. Oh là là, on a vécu un festival de malades. Ah, c'était incroyable. Il y avait des crêpes, des barbecues. Il y avait des crêpes à la japonaise. Ah, donc c'est un truc japonais. C'est un truc de manga. Nous étions à la Japan Tour. La Japan Tour. Et ouais, oui. On était à la Japan Tour Festival qui se déroule donc tous les ans maintenant au Parc des Expos à Tours. Et Marguerite et moi, on a eu la chance d'être pris, enfin moi c'est pas ma première année, mais en tant que bénévole là-bas pour faire les interviews des invités qui venaient. Donc des invités, pas n'importe qui non plus, des gros invités, ça peut être des youtubeurs aux millions de vues, enfin voilà. Donc on a eu la chance de pouvoir en interviewer quelques-uns et ce soir, justement c'est ce qu'on va vous faire écouter et découvrir. C'est un youtubeur Tourangeau en plus, donc on est sur le local Tourangeau. Qui parle d'histoire. Ouais, il parle d'histoire, vous le connaissez peut-être. Non. Il s'agit de Nota Bene. Je connais pas beaucoup de youtubeurs. Ah. Nota Bene. Pas dans ce délire. Le youtubeur qui reprend l'histoire avec un grand H. Ça vous dit vraiment rien? Mais l'histoire normale. L'histoire chiante, ça voulait dire. Ouais, voilà, l'histoire pas drôle. Tu devrais peut-être l'écouter. Peut-être qu'il te parlerait des 30 Glorieuses un moment. Et ce qui est génial, c'est que de cette histoire qui nous semblait si chiante quand on était au collège, eh bien, il en fait quelque chose d'assez sympa. C'est une reconstitution. Non, mais du coup, ouais, ça vaut peut-être le coup d'écouter. Je vais écouter cette interview. Ah, bah franchement. Ouais, on va tous écouter cette interview. Écoutons cette interview. Écoutons et dites-nous ce que vous en pensez. Et on va en débattre aussi avec vous, les auditeurs. Vous pouvez nous appeler. Hein. 09-406-307, c'est ça 09-70-406-307. 407-306. Merci, Sarah. On va la faire une dernière fois. 09-70-407-306. Après, moi je triche, je l'ai affiché. Voilà, nous on l'avait pas et ça faisait très longtemps depuis le confinement, donc vous nous avez manqué, les auditeurs. Et bien sûr, on retrouvera cette interview sur indestar.fr. Tout à fait, on écoute. Alors, du coup, on a avec nous aujourd'hui Benjamin Brio de la chaîne YouTube Nota Bene Tourangel, si je me trompe pas. Oui, mes chers camarades, bien le bonjour. Voilà, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas du tout? Oui, je m'appelle Benjamin Brio et ça fait maintenant plus de 5 ans que j'ai lancé une émission sur YouTube, une émission d'histoire qui s'appelle Nota Bene, dont le but est de rendre l'histoire accessible au plus grand nombre. Et une première question, ce serait d'où te vient cette passion pour l'histoire? Alors c'est pas une passion que j'ai depuis ma tendre enfance, hein. Même au collège ou au lycée, je me faisais un petit peu chier en cours d'histoire. Je me suis intéressé à l'histoire vers la fin de mon lycée un petit peu. Je suis allé faire un petit tour en fac d'histoire d'ailleurs parce que j'avais envie d'en apprendre un petit peu plus. Et puis ça m'a intéressé pendant 6 mois, j'ai rencontré un réalisateur, je suis rentré dans le milieu de l'audiovisuel, donc j'ai laissé un peu cette histoire-là de côté. Et finalement en 2014, quand j'ai vu que sur YouTube il se passait pas mal de trucs et que j'ai cherché une émission d'histoire parce que j'avais envie de replonger un petit peu là-dedans, que j'en ai pas trouvé, je me suis dit d'une pierre deux coups, créons une émission où je vais pouvoir moi me replonger dans cette histoire-là et partager avec les gens ce que je suis en train d'apprendre et de découvrir. Donc finalement c'est une passion qui est assez tardive, hein, on va dire, c'est vers vraiment 17-18 ans que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire et c'est depuis le lancement de l'émission, avec l'émission, que j'ai grandi là-dedans et que j'ai développé cette passion de l'histoire. Quoi. Donc tu as fait de l'audiovisuel, si j'ai bien compris, un petit peu? Oui, j'ai fait 6 ans de boîte de prod. Ouais. Donc tu es producteur et tu, il me semble que tu... Tu fais des films produits par Nota Bene pour des côtés historiques, etc. Enfin, c'est pas spécialement des films très longs. Je crois que c'est des vidéos de 8 à 15 minutes, quelque chose comme ça. Alors, on parle de quoi là? De la chaîne ou d'un truc en dehors de la chaîne? De quelque chose en dehors de toute ta chaîne, du coup. Et quand tu parlais de production, en l'occurrence. J'ai pas produit en dehors de la chaîne. C'est-à-dire qu'en dehors de la chaîne, j'ai fait certains projets, mais qui ont été faits avec des partenaires. Par exemple, Arte, où pour le coup, j'ai une série qui a été lancée début 2018, qui s'appelle History Screed, où j'ai eu une carte blanche d'échange de la part d'Arte qui m'a dit bah on aime bien ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimerais faire avec nous. Et moi je leur ai dit bah écoutez, si c'est carte blanche, moi je suis un gros gamer, si vous me permettez de faire un truc sur histoire et jeux vidéo, allons-y. Ils m'ont dit ok, donc on est parti quoi. Et question pour revenir un peu sur ta chaîne, est-ce que tu imaginais au tout début quand on allait parler d'histoire que ça allait avoir un tel succès sur YouTube? Non, pas du tout. Au départ, de toute façon, quand on se lance sur YouTube et qu'on fait des vidéos, il faut être clair, on a quand même envie que ça soit vu. Oui. Donc on rêve un peu d'avoir un public qui soit là pour regarder ces vidéos, mais je m'attendais pas du tout à un tel engouement autour de l'histoire. Parce que pour moi, ça allait vraiment être une chaîne de niche, en fait, oui, dans laquelle j'allais pouvoir me faire plaisir, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de public 5 ans après. Et comment tu as choisi, enfin, quand tu choisis une vidéo, tu dis ok, je vais faire telle partie de l'histoire, mais comment tu choisis la prochaine une fois que tu en as fini une? Est-ce que tu as déjà un fil conducteur sur toute l'année? Tu t'es dit tiens, je vais faire ça, ça, ça? Tu t'organises bien en fait? Aujourd'hui, je suis très très organisé, hein. C'est-à-dire que j'ai un petit fichier Excel avec tous les épisodes de prévu. Et là, j'ai entre 5 et 7 épisodes de prévu par mois et je sais déjà ce qui va sortir début 2021. D'accord. Donc je suis vraiment très très organisé. Je commence à travailler déjà actuellement sur des trucs qui sortent en décembre ou l'année prochaine. Après, le choix des sujets, c'est hyper aléatoire. Okay. Ça peut être des envies personnelles, des trucs que je lis, des discussions avec des potes. Mmh. Et vu que sur Nota Bene, je travaille beaucoup avec des historiens aussi, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs qui coécrivent avec moi sur les vidéos, je peux pas tout assumer tout seul. Oui. Et bah, j'ai des historiens que je rencontre et tout simplement, je leur dis, bah, vous avez un domaine de spécialité, qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'aborder sur cette chaîne? Et donc bah, j'ai la chance d'avoir des historiens très cool qui me proposent parfois 4, 5, 6 sujets. Et c'est très dur pour moi d'en refuser parce que souvent ils sont tous très intéressants. Oui, forcément. Et pour les recherches, comment ça se passe? Est-ce que c'est bah, donc, par rapport aux connaissances que tu as déjà forcément de la fac, je présume? Et Pas tant que ça. J'ai fait 6 mois de fac d'histoire, hein, donc j'ai pas fait grand chose. Ah oui. Voilà, j'ai juste eu le temps de me nourrir un petit peu et de déclencher une passion naissante quand même à l'époque. Mais au niveau des recherches, alors comme je le disais, aujourd'hui il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent, donc il y a des historiens qui sont déjà vraiment spécialistes dans leur domaine, donc je m'appuie vraiment sur leur expertise. Maintenant, il y a toujours des épisodes que je fais moi-même de A à Z, et donc là, bah, il y a une démarche à avoir sur faut être curieux, aller picorer dans des bouquins, aller voir des publications scientifiques. Mmh. J'ai toujours dit que j'étais un fervent défenseur de Wikipédia et je crois que c'est très bien et il faut le promouvoir auprès du public aussi. Moi je sais que quand je connais absolument rien d'un sujet, bah, je vais déjà faire un petit tour sur Wikipédia histoire d'avoir un aperçu un petit peu de ce qui m'attend avant d'aller dans des publications. Et puis ça m'arrive aussi de faire appel à des historiens externes avec lesquels je peux organiser des entretiens sur Discord notamment. Donc là je sais que j'ai un sujet pour septembre, j'ai eu la chance déjà de faire plusieurs entretiens avec une archéologue de l'INRAP, avec un chercheur du CNRS, avec un philosophe spécialisé dans la thématique qui m'intéresse. Et donc ça me permet de me nourrir un petit peu, de nourrir le script en plus des recherches que je vais pouvoir faire. Et est-ce que ta chaîne est aujourd'hui encore ton activité principale ou c'est un supplément de tout ce que tu peux déjà faire en dehors avec tes post-prod, tes partenariats autres, etc.? Bah, en fait, j'ai pas le temps de faire autre chose à côté de Nota Bene. C'est-à-dire que depuis le début, c'est mon activité principale. À partir du moment où j'ai posé la première vidéo sur Nota Bene, c'était mon activité principale. À l'époque, j'étais au chômage. Okay. En gros, je m'étais dit bon bah pendant un an, je fais que ça. Et puis bah si je vois qu'il y a un début de succès, je continue. Si je vois que ça marche pas, et bah, je me serais fait plaisir pendant un an, j'arrête et puis je vais taffer ailleurs. Oui. Et donc dès le début, même si c'était pas la grande richesse, hein, on va pas se le cacher, bah, ça a été mon activité principale. Et aujourd'hui, ça l'est d'autant plus puisque on se retrouve avec une chaîne où on est 4 dessus à travailler à temps plein, plus des auteurs, entre 15 et 20 auteurs qui viennent m'accompagner tout au long de l'année. Ok. Okay. Et est-ce que tu as une autre grande passion qu'on pourrait appeler le cinéma? Parce que tu as fait quand même quelques références au cinéma, des vidéos en notamment rapport. Notamment des vidéos avec Dead Will, c'était Brain Dead ou même Nota Bene Andy Film par exemple. Ouais, ouais, carrément. Bah, je suis un gros fan de cinéma. Moi, quand j'étais gamin, donc j'avais un père qui était passionné de cinéma. Alors, pas forcément le cinéma le plus intellectuel, hein, c'est-à-dire d'accord. que c'était vraiment sa passion, c'était le cinéma hollywoodien d'action, d'aventure okay. des années 80-90. Et du coup, on avait. À l'époque, les magazines, c'était Télémagazine, ou pas Télé 7 jours, je sais plus, où il y avait des jaquettes à l'intérieur des magazines. Et donc, tous les films qui passaient le soir, on les enregistrait sur magnétoscope, on se faisait notre petite jaquette, on achetait les boîtiers. Et si bien qu'à moi, quand j'étais ado, on avait une vidéothèque à la maison où on avait 700 cassettes. où on avait un autre catalogue où on rajoutait chaque nouvelle entrée avec mon père. On était aussi abonné à un magazine d'achat par correspondance de vidéos. Et donc tous les mois, on recevait notre colis avec les 3-4 dernières nouveautés. Ah, trop sympa. Voilà, et donc j'ai bouffé énormément de films quand j'étais ado. Quoi. Tu fais pas que des films parce que justement ce soir, au Japan Film Festival, on va te retrouver pour ta conférence sur Game of Thrones. Où ouais. Tu vas revenir sur ce que tu as déjà pu dire, notamment sur ta chaîne, et peut-être présenter aussi de nouvelles perspectives entre temps, si tu as eu un peu d'évolution ou pas du tout. Bon, y a déjà pas mal de choses à dire. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai préparé mes antisèches. J'ai 40 pages d'antisèches dans ma poche. Okay. Donc je pense que ça dépasse largement l'heure. On a quand même pas mal de choses à aborder, des personnages, des événements, voilà, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un projet qui t'a marqué bien plus qu'un autre dans ce que t'as pu faire au total ? Tous les reportages sont un peu source d'émerveillement, on va dire, parce qu'on voit des belles choses, des choses qui parfois sont pas accessibles au public, on rencontre des gens qui sont passionnants. Maintenant, il est clair qu'une expérience assez incroyable, c'est celle qui a aussi permis à la chaîne de décoller, on va dire, sur l'activité un peu plus partenariat institutionnel. Okay. C'est le musée du Louvre. Parce que en 2015, je me suis retrouvé à bosser pour le musée du Louvre, à faire plusieurs vidéos pour eux. Et donc j'ai eu la chance d'aller au musée du Louvre des jours de fermeture, où j'avais le Louvre pour moi tout seul. Donc voilà, je suis pas spécialement fan de Mona Lisa, mais c'est vrai que quand tu vois le symbole que ça représente, que tu te retrouves dans cette pièce, que t'es tout seul avec la Joconde, et que tu kiffes, tu vois, tu te poses 10-15 minutes, tu dis bon, je kiffe un petit peu le moment avant de reprendre le boulot, c'est cool. Et ça, c'était une expérience incroyable. Je me souviens, la première journée, c'était en hiver, la nuit tombait relativement tôt. Et à 17h30, on me dit bon, il faut commencer à évacuer les lieux parce que là c'est la fin, tu peux plus tourner. Je dis ok. Et il me dit bon, on a déjà fermé les portes principales, il va falloir que vous traversiez le département des antiquités égyptiennes. Et là le gars me prévient, il me dit mais du coup on a déjà coupé le courant. Ah. Donc il fait tout noir. Et donc je me suis retrouvé avec mon cadreur à traverser les antiquités égyptiennes à la lampe torche de notre téléphone portable. Tu vois, donc ça faisait vraiment film hollywoodien quoi, c'était génial. Donc ouais, on a kiffé. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es invité par exemple dans des lycées, voire des collèges même, des universités pour faire des conférences auprès des gens qui pourraient essayer de voir l'histoire avec un grand H d'une façon différente grâce à toi, ou c'est pas du tout, tout ce monde t'évite parce qu'ils te considèrent pas historien, même si toi-même tu te dis pas vraiment historien, tu te dis fan et passionné d'histoire. Non, mais y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est-à-dire qu'eux ont bien compris, je me revendique pas historien, ils l'ont bien compris. Avec le milieu universitaire, le courant passe plutôt bien parce que je montre pas de blanche. Et du coup, ce que je fais souvent, c'est qu'il y a des colloques universitaires qui peuvent se monter ou des événements où je peux intervenir en montrant justement comment moi j'arrive à collaborer avec des historiens, avec les institutions pour essayer de promouvoir cette discipline de l'histoire, de la rendre un peu plus accessible au grand public. Après, au niveau des collégiens et des lycéens, c'est un peu plus compliqué. En fait, j'ai un planning qui est quand même chargé, donc oui. Je reçois beaucoup de demandes et malheureusement, je peux pas me déplacer à chaque fois partout en France lorsque je reçois ce genre de demande. En revanche, ça m'est arrivé d'intervenir plusieurs fois à l'université. J'interviens de manière récurrente, fois par an, à l'université d'Angers, par exemple, en L3, ou ça m'est arrivé d'intervenir plusieurs fois en master à l'université de Créteil, mais pas en tant qu'historien. C'est-à-dire que j'interviens vraiment en tant que personne qui vulgarise cette histoire, en tout cas qui joue le rôle de médiateur auprès du public. Oui. Donc le but, c'est d'avoir un échange avec ces étudiants-là sur comment communiquer autour de l'histoire. Alors avant de finir cette interview, on va te poser trois questions. Attention, tu peux, enfin Mathilde sourit, mais on a l'habitude maintenant au fil des interviews. C'est trois questions débiles, vraiment très débiles. J'aime bien les questions débiles. Mais ça, tu sais, ça divise un petit peu la France en deux. Tu vas toujours avoir ceux qui vont d'un côté et de l'autre. Et bah tiens, la première question, tu vas tout de suite voir, c'est pain au chocolat ou chocolatine? Et pain au chocolat, évidemment. Mais pourquoi? Attends, je veux les explications et les auditeurs aussi, ils en ont besoin. Bah parce que moi, j'ai pas vécu dans le sud-ouest et que voilà, c'est pain au chocolat, puis après, c'est tout. Ok, merci. Deuxième question, faut-il manger en premier ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas dans son assiette? Waouh, alors ça, c'est une grande question. En plus, ça revient assez souvent au repas le soir. C'est vrai que j'ai copié un peu ma femme là-dessus. J'ai tendance maintenant à manger ce que je préfère en dernier pour avoir le bon goût dans la bouche. Ouais, après l'effort, le réconfort. Plusieurs personnes nous ont dit ça aussi. Ouais, c'est bien, on reste dans les bonnes choses. Et puis alors la dernière, franchement, c'est le summum, je dirais. Faut-il dérouler le papier toilette par au-dessus ou par en dessous? Ah, par au-dessus. Ah, moi, ça me rend ouf. Dès que je tombe dans un endroit où je vois qu'il est pas dans le bon sens que moi j'aime, je le change. Ah ouais, voilà. Okay. C'est vraiment un acte de rébellion. Et comment tu fais par exemple quand t'es dans des toilettes publiques et que la personne. C'est mort. Les toilettes publiques. Tu changes de toilette ou t'es frustré, tout simplement. Non, bah je suis frustré. Il faut accepter la frustration, c'est bien la frustration. Ça fait partie de la vie intégrante et de son expérience. Ok, bah est-ce que t'as un dernier mot à dire pour tous ceux qui nous écoutent? Bah écoutez, n'hésitez pas à aller fouiller sur YouTube, il y a quand même pas mal de programmes de science au-delà de l'histoire, il y a vraiment plein de choses qui sont accessibles, qui sont vraiment cool, et si vous intéressez à l'histoire, évidemment, bon, il y a ma chaîne, mais il y en a aussi plein d'autres. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de chaînes d'histoire qui sont sur YouTube, on a tous notre approche différente, avec des formats différents, des personnalités différentes, c'est super riche, il y a plein de trucs à découvrir, donc il faut vraiment pas hésiter à aller farfouiller pour se faire plaisir. Voilà. Ok, et ben bah merci Benjamin, merci beaucoup. D'être venu. Merci à vous deux. Et puis bonne continuation à toi. Merci. Et ben bah voilà. Et puis ouais, je dirais même merci Ismaël et Marguerite d'avoir fait une très belle interview. Oh mais tout à fait. Ah mais sans Marguerite, je vous avoue que cette interview, elle aurait pas été telle qu'elle est. Parce que pour vous faire un petit peu l'historique de voilà comment ça se passe et comment ça se fait qu'on ait eu accès à ce personnage, Nota Bene, qui a une chaîne YouTube à plus de 2 ou 3 millions d'abonnés quand même. Je te coupe deux secondes, je trouve que le bed est un peu fort. 1, 2 Il est pas genre au maximum. Mais non, mais non. Alors non, il le baisse avec la machine. Ah le tricheur. Ah là là, mais parce que pendant l'interview, ah, je vais t'apprendre la technique. Voilà. Et en fait, Teddy, il fait le. Ah, la musique de fond est un peu fort, mais il fait ça par rapport à la position des boutons, pas par rapport à son casque. Exactement. Très bien, donc tu disais Isma. Donc en gros je disais que voilà, nous cette année on a été bénévole pour le Japan Tour Festival dans l'association Brutal Kawaii. On s'occupait donc des interviews des invités. Et en fait ça, moi j'ai commencé tout seul l'année dernière. Donc les interviews, j'ai fait ça à la Walegani Beast to Fly comme ouais, on dit. C'était pas terrible l'année dernière hein. Ouais c'était pas terrible. C'était à l'arrache quoi. C'était à l'arrache et j'étais pas trop organisé. Je vous avoue que dans l'après-midi même, j'allais voir les gens sur leur stand aux dédicaces. Donc je passais devant vu que j'étais membre du staff et je coupais tout le monde. Et je disais bon voilà, ouais, est-ce que vous êtes disponible à cette heure-là, voilà, pour faire une interview en direct, nanana, et c'était ok. Et du coup, on enregistrait ça après avec des gens qui étaient là dans le public. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a refait ça aussi cette année, mais en beaucoup mieux préparé, puisque cette année, Marguerite a rejoint le staff de bénévoles. J'ai amené mon grain de sel. Voilà, donc on était deux des PK Avengers à avoir infiltré l'association Brutal Kawaii pour justement ramener aussi des interviews par ici qui ressemblent vachement aux PK Avengers et qui sont super intéressantes. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a quelques jours avant, voire même une semaine en fait. Ouais, on a fait ça une semaine avant le Japan Tour. C'est ça, on a essayé de convaincre les artistes d'être interviewés, et puis en fait on faisait des petites fiches avec toutes les infos, donc une petite bio, tout ça, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils aimaient, et du coup ça nous a permis d'être assez calés sur le sujet. Ouais. Et ça c'est de l'organisation, Marguerite, t'as tout compris. Exactement. Non mais c'est elle qui m'a dit, mais tu prévois comment le planning et tout? Je lui ai fait, bah on voit ça sur place direct, comme j'ai fait ça l'année dernière, ça a très bien fonctionné. Alors non mon coucou, du coup on a fait un petit classement avec un petit planning bien et tout. Ouais. Ça c'est le côté S4 de Marguerite. Non, c'est le côté Marguerite tout court. Oui c'est vrai. C'est ça. Merci Yann. Donc voilà, et puis du coup bah, sur le Japan Tour on a été chercher avec l'équipe et Marguerite les gens sur place, certains on a contacté et on a fait aussi d'autres interviews de personnages. Je peux vous en spoiler une peut-être qui passera très bientôt. Ah bah sur le jeudi prochain pour le coup. C'est mon coup de cœur personnel sur toutes les interviews que j'ai pu faire avec Marguerite Houssan, parce qu'elle a pas toujours été là, mais c'est Benoît Hellman, vous le connaissez peut-être puisque c'est la voix officielle de Morgan Freeman en français. Ah bah oui alors. Ah bah oui hein. Ouais. On Morgan Freeman voix. Et donc du coup j'ai pu interroger ce vieux monsieur qui a quand même presque très, 70 très ans. Est-ce que tu as fait une imitation? Non. Ah merde. Non, je pourrais pas faire l'imitation de la voix de Morgan. Il a fait une imitation, lui. Bah, il a naturellement. Ah non, mais en fait, c'est pas une imitation. Vous écouterez l'interview qui passera prochainement, ouais. Ou qui est même déjà disponible sur YouTube pour ceux qui veulent encore plus se spoiler. Mais en tout cas, vous verrez, quand il parle, on sait tout de suite que c'est Morgan Freeman. La première fois que j'ai entendu parler, il m'a regardé avec les yeux ronds parce que j'avais la bouche ouverte, tellement j'étais surpris quand il a commencé à parler. C'est franchement impressionnant. Ouais. D'accord. Et en fait, c'est sa voix naturelle pour le coup. C'est ça. D'accord. Bah, oui, c'est lui qui double. Ouais, c'est parce que le doublage, en fait, c'est tu n'imites pas la personne, tu fais la voix française. Ouais, je me suis mal exprimé, mais par contre, il y a des doubleurs, ils ont plusieurs voix, ils changent leur voix en fonction de ce qu'ils font. Oui, bien sûr. Bah, bien sûr, je te prends l'exemple de Brigitte Lecordier, qui est une doubleuse très célèbre dans l'animation, notamment de dessins animés à l'époque du Club Dorothée, puisqu'ils travaillaient ensemble quasiment dans les studios, etc. Dans Dragon Ball, a fait la voix de Sangoku, a fait la voix de Sangoten, a fait la voix de Trunks, a fait la voix de Sangohan, a fait la voix de Oui Oui. Ça c'est quand t'as pas de budget, ça c'est. Et on l'a vu aussi d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, on l'a vu. Bah, faut savoir que c'est grâce à elle en fait que le dernier jour du festival, le dimanche, le festival est resté ouvert parce que sur les réseaux sociaux, normalement, on devait fermer vu qu'il y avait plus de 2 ou 3000 personnes qui allaient venir et c'était au début du confinement. Le début des restrictions où c'était plus interdit les festivals, les machins, tout devait fermer. Et il y a même la Paris Manga qui est quand même énorme par rapport au Japan Tour Festival qui fait des, je crois, 50 000 visiteurs dans le week-end, un truc comme ça, qui a fermé. Et nous, le petit truc à 10 000, 15 000 visiteurs, on est resté ouvert et on a fait les interviews, tout, il y avait du monde et c'était vraiment cool. Il faut savoir qu'un truc que j'ai trouvé franchement exceptionnel et très très généreux de sa part, c'est que le dernier jour, en fait, il y a plusieurs personnes qui ne pouvaient pas rentrer parce que s'ils n'avaient pas réservé, ils ne pouvaient pas rentrer. Oui, ouais, c'est vrai. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est sortie. Du coup, elle allait faire des dédicaces dehors. Voilà, pour c'est ces chouette. Gens-là. Ça. Ouais. Et ça, je trouve ça très très cool. Totalement gratuitement envers les gens qui avaient réservé mais qui n'ont pas pu venir. Enfin voilà. Mais cette année, c'était quand même une année bien particulière pour les festivals et franchement, c'était cool. Aussi un très bon cru en question d'interview et de personnalité qu'on a pu interviewer, comme Nota Bene, donc que vous avez pu entendre là récemment. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des questions, Théo, pardon, et Teddy? Avance, on saura plus comment on l'appelle. Non, c'est ça. Confondre avec d'autres personnes. Des questions par rapport à ce qu'il a dit, oui, au personnage ou non, mais moi, ça, alors moi, honnêtement, je le connaissais pas, hein, donc je vais, ça me donne envie d'aller voir ce qu'il fait. Et puis l'histoire en général, moi, enfin, je vais pas dire que ça me passionne, mais j'aime bien, tu vois. Donc, ouais, ça, enfin, ça peut faire partie de ma petite playlist YouTube. D'accord. Alors que moi, à contrario, l'histoire, ça me passionne pas des masses. Et bah justement, va voir, il va sûrement te donner envie. Il y a certaines parties de l'histoire qui m'intéressent, genre l'Égypte, romain, grec, les nazis. Non, mais il y a certaines parties de l'histoire que j'adore, mais il y a la plupart de l'histoire que j'aime pas. Par contre, tu m'as dit en off qu'il faisait aussi l'histoire des jeux vidéo et tout ça. Oui. Et là, bizarrement, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Bizarrement, jeux vidéo, PK Avenger, ça te parle. Ouais, donc ça c'est intéressant. Enfin, pour moi en tout cas, et ça c'est cool, ça donne envie de l'écouter. Bah, il reprend vraiment l'histoire de tout. Peu importe ce que c'est, livre, vrai fait historique ou pas, jeux vidéo, même l'histoire dans des bouquins fantastiques, hein, qui n'ont rien à voir. Il y va. Hein. Oui, d'accord. Tu vois, il a fait l'histoire sur Warcraft, World of Warcraft. Il reprend de tout. Donc, les geeks comme les pas geeks, je peux vous le dire, vous êtes servis si vous allez sur sa chaîne YouTube. Donc, Nota Bene, et le monsieur s'appelle Benjamin Brieux, si vous voulez aller le choper sur Tournant Jacole. Cette fois-ci, ça va être vraiment l'un de vos sujets à l'un d'entre vous. Ouais. Cette fois, on s'est concilié. En minorité là. Voilà. Et du coup, c'est lequel d'entre vous qui va faire un sujet? C'est Marguerite. C'est Marguerite, c'est ouais. Parce que je vais parler d'un truc un peu sombre, donc vaut mieux finir sur une note un peu joyeuse. Voilà. Donc c'est le moment à partir d'Indestar. Non, je rigole. Restez bien évidemment, puisque si vous voulez découvrir ce qui est sombre. Eh bien, ça arrive d'ici quelques instants. Après, elle est true, avec How to Get What You Want sur Indestar. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Ils sont vraiment très beaux. Non. Ouais, c'est il fait notre générique en plein milieu de l'émission. Ça donne envie, en plein milieu. Ouais. Vers la fin de l'émission, il fait notre générique, tranquille. Question, mis à part Teddy, qui avait participé à la création de ce générique? Jolan, non? Antoine, ah bah toute l'équipe d'a... T'es ouais, vachement nombreux, ouais. Il y avait même Linda qui avait participé. Il y avait même des gens qui c'était même pas des PK Avengers qui avaient participé. Je crois que j'avais chanté moi aussi. Ah mais c'est peut-être pour ça que c'est horrible. C'est le côté un peu faux, tu vois, à la fin du... Oui, ils apportent le côté faux parce que... Je veux dire, tu mets juste Teddy et Jolan, c'est parfait. Bah oui, évidemment. J'ai pris des cours de chant pour faire ça. Les Avengers, ils sont vraiment très beaux. On a perdu tous les auditeurs. Non, j'espère que non, parce que c'est à Marguerite de parler. Mais là, on leur apporte un petit peu de bonheur avant ce qui arrive. Ouais, voilà, on nous signale qu'ils sont revenus. C'est bon, Marguerite. Ah bah quand même. Non, bon, moi je reviens tout à l'heure. Hein. Oh, mais tu vois, ça va être bien, ça va être gore. Ça va être gore. Ça va être gore. Il y a si du sang. Gore, moi, allez, vas-y. Il va faire des cauchemars. Non, cette en vrai, nuit, ça va. Attention, alors. Les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Bah, en vrai, oui. C'est pas un film pour les moins de 18 ans, hein, clairement. Donc, je vais vous parler donc de la plateforme ou El Hoyo en espagnol. C'est donc un film de. Alors, je vais essayer de bien le prononcer. Galder Gazelu Urrucia. Bien sûr. Tout à fait. Ouais. Achoum. J'ai compris Russia, moi, c'est tout. Urrucia. Bon, je présume que c'est à peu près prononcé. Ouais. C'est un film de 2019 qui a quand même gagné 9 prix et qui a eu 14 nominations. Pas mal. Ce qui est pas mal, faut avouer. Belle bête. Belle bête. Donc pour faire un petit pitch, dans la fosse, une prison verticale Tandis que ceux des étages supérieurs se gavent comme des rois, ceux des étages inférieurs meurent de faim. Goreng, un jeune lettré, entre dans la fosse et décide de changer le système. Un jeune lettré. Voilà. Ouais, c'est le seul qui... En fait, ils ont le droit d'emmener un objet avec eux. Et lui, il décide d'emmener un livre. C'est le seul. Les autres emmènent des couteaux, emmènent des armes. Ouais, logique. Voilà. C'est vrai qu'en prison, j'aurais peut-être plus tendance à emmener une arme plutôt qu'un livre. Mais Là, cette prison, elle est un peu particulière parce qu'en fait, tu as une espèce de trou en plein milieu des étages. En fait, tu dois avoir plus de... Je sais plus combien d'étages il y a, mais t'en as plus de 300. Et as en fait une espèce de... comment on pourrait dire de ouais, bah c'est ça de oui bah merci bah oui de plateforme qui descend d'étage en étage et au début elle est complètement pleine de nourriture et au fur et à mesure que les gens se goinfrent bah à la fin il reste plus rien pour ceux d'en bas et comme ils ne rationnent pas la nourriture et ben certains meurent de faim. Mais du coup ceux qui sont en bas ils essayent de monter? Ah ils peuvent pas monter, c'est pas possible. Ils meurent. Ah bah oui, c'est le principe. Ah bah oui, non mais c'est ça. Attends, c'est tu crois assez... que c'est pas les bisounours, ça l'a dit. Ah hein. ça parle de cannibalisme, c'est de. C'est compliqué comme film. Et du coup, le gars qui arrive, il est tout au fond. Alors en fait, la petite particularité, c'est qu'en fait, chaque mois, ils changent d'étage, mais ils savent jamais à quel étage ils vont arriver. Ah d'accord. Donc ils peuvent très bien tomber sur un très bon étage, comme ils peuvent tomber sur les tout derniers étages. Donc c'est toujours un peu le suspense. C'est un peu sadique ça. Mais, c'est complètement sadique. Question sur les étages, ils peuvent se promener librement ou ils sont quand même dans des cellules? Ah non, c'est vraiment des cellules pour le coup. C'est des cellules étages. C'est ça. En fait, ils sont à deux par étage et puis vraiment ils ne peuvent pas bouger de tout le mois. Si tu peux sauter. Tu peux sauter et mourir, oui, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je suis sûr qu'il y en a qui va. Choisis ta destinée, mec. El Hoyo, choisis ta destinée. C'est ça. D'accord. Comme dirait Jérôme Niel. Donc, dans ce que j'ai aimé de ce film, en vrai j'ai énormément aimé ce film, même si quand on en parle comme ça, ça a l'air très très cru, déjà pour cause du scénario, parce que je trouve que l'idée est vraiment très novatrice. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses. Le concept de prison, le concept de prison en l'air comme ça, tu vois, par exemple la série des Dark Knight, il y a une prison de ce type là. D'accord. Qui y ressemble, hein. Il n'y a pas le système de plateforme, mais la prison elle est toute en profondeur, c'est un puits. Ce principe-là il existe depuis un moment, je pense. Par contre, c'est vrai que le coût de la plateforme qui apporte la nourriture, le coût qui change tous les mois d'étage, c'est vrai qu'il y a quelque chose que je trouve, comme tu dis, de novateur et ça a l'air vachement intéressant. Moi, ça me donne envie de le regarder. Bah, surtout, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que ça n'a pas été fait comme ça par hasard. C'est-à-dire que le coût de la plateforme qui distribue en gros aux plus riches au départ, tu vois, et aux plus pauvres à la fin, et avec les premiers qui se gavent et qui ne laissent rien aux derniers, tu vois, ça, je pense que le parallèle avec la réalité, enfin, il y a peut-être. La société, ils ont peut-être voulu montrer quelque chose au travers ça, quoi. Et c'est ça qui est super intéressant en fait, parce que mine de rien en fait on n'a pas énormément de contexte. Je comptais vous en parler un peu après, mais bon, sortons le sujet, c'est pas grave. Allons-y directement. Ce qui est très intéressant en fait, c'est que tout ce qu'on sait de l'extérieur, c'est juste que la prison est administrée par une administration, une espèce d'autorité très lointaine. En fait, on n'en sait pas grand chose. Tout ce qu'on sait d'ailleurs, c'est ce que les personnages nous en disent. Mm-hmm. Donc c'est très mystérieux et il y a un côté métaphorique qui est très intéressant. Parce que du coup, on se concentre vraiment sur le message psychologique et politique du film. Et en fait, c'est vraiment dépouillé de tout artifice. Vraiment, on se retrouve dans la psychologie humaine, dans sa folie et dans ses difficultés face à la morale. Et c'est vraiment super intéressant. D'accord. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Vas-y. D'accord. Non, mais je dis non. Tu as dit qu'ils changeaient d'étage tous les mois. Oui. Est-ce qu'on les voit changer d'étage? Bah en fait il y a plusieurs ellipses dans ce film. D'accord. Oui. C'est-à-dire que en fait ce qui se passe, c'est que pendant une nuit en fait ils sont gazés et ils ont changé de cellule en fait. D'accord. On voit pas du tout le changement pour le d'accord, coup. D'accord. Ta gueule c'est magique. C'est ça. Ah puis il y a une autre petite subtilité que je vous ai pas dit. C'est qu'en fait, ils ne peuvent pas garder de nourriture avec eux. Ah oui, c'est ça que j'avais. C'est-à-dire que, sinon, la pièce, soit la pièce devient complètement brûlante, soit elle devient complètement glacée. Donc, dans les deux cas, ils meurent. Donc, ils ne peuvent jamais garder de la nourriture sur eux. Ah merde. Ah ouais. Donc il y a ça en plus. Parce que sinon le premier il prend tout et puis voilà. Oui bah oui. C'est ça. Des réserves. Ouais. Donc ils doivent seulement manger lorsque la plateforme est à leur étage. Et on sait pourquoi cette prison existe et ils sont. Et ben non dedans. Justement c'est ça le truc. C'est ça qui est un peu. Alors moi ça m'a pas dérangé en soi, c'est un choix de scénario. Où le réalisateur savait pas donc du coup. Ben non. En vrai non, parce que quand tu regardes les interviews qu'il en a fait, c'est très. Enfin, tu vois qu'il connaît son, il connaît très bien son sujet, ouais. Quoi. Mmh. Et le truc, c'est ça, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, on ne sait que ce que les personnages nous en disent. Et puis en même temps, comment on peut croire un vieil homme qui a été rendu fou par la faim ? Comment on peut croire les infos qu'il nous donne ? Et puis il y a aussi, à un moment donné, on a une femme qui s'appelle, comment elle s'appelle ? Je vais retrouver son nom. Giuseppe. Elle s'appelle Imogiri, voilà. Si je comprends bien, on suit pas l'aventure d'un seul personnage, on suit l'aventure de plein de personnages. Alors si, on suit le personnage de Goreng, ouais. Mais en fait le truc c'est comme il va changer de cellule, il va changer aussi de partenaire de cellule. Parce qu'ils sont pas tous. Ah oui, c'est vrai. Mais non, ils sont deux par étage à chaque fois. Ah oui, c'est pour ça, d'où le cannibalisme, oui. C'est ça. D'accord. C'est exactement ça. Et parmi les colocataires qu'il va avoir, il va y avoir cette fameuse Imogiri qui a travaillé pour l'administration. Et même elle, tout ce qu'elle en sait, c'est soit elle a des informations incomplètes ou même des fois erronées. Et du coup, on sait vraiment pas grand chose en fait. On sait même pas pourquoi ils décident. Parce que ce qu'on apprend quand même, c'est que c'est eux qui décident d'aller dans la fosse. Mais on sait pas pourquoi. Est-ce que c'est pour de l'argent ? Est-ce que. On ne sait pas en fait. D'accord. Et c'est ça qui rend le truc encore plus. Intriguant. Magique. Ouais, intriguant. Et en même temps, ça nous permet de nous concentrer sur les hommes. Et ça, je trouve ça très cool. Effectivement, tu m'as trop donné envie de le regarder. Le message est franchement intéressant. Puis en même temps, je me dis, si on avait plus d'informations sur l'univers extérieur, est-ce que ça dévierait pas le message ? En gros, est-ce qu'on se dirait c'est pas vrai ben, que ça, serait, ouais. Ça casserait peut-être là un mythe ou un truc. Des fois, il vaut mieux pas savoir le contexte extérieur et se concentrer vraiment sur l'histoire, comme tu dis. C'est comme ça. Ça, tu peux te mettre vraiment dans la peau du personnage d'un prisonnier X ou Y, du coup, ou de Goreng. Goreng, oui, c'est ça. Goreng. Goreng. C'est un E. Goreng. D'accord, et comme ça tu te mets vraiment dans la peau du personnage, t'as vraiment l'impression d'être en prison. Enfin, j'imagine, c'est comme ça que je le vois. Ah bah ça, que je c'est très claustrophobique. Hein, ouais, pour le coup. Ouais, ouais, ah. Ça a l'air à. Ah bah ça tombe bien, je suis pas claustro. Ça tombe très bien. Ma maman l'est donc jamais elle ne regardera ce film. Ah, puis de toute façon, rien qu'avec le synopsis, elle ne le regardera pas. D'accord, bah c'est dommage parce que le message est quand même intéressant. Quand tu vois, c'est un message très pessimiste. Enfin, comment dire ça, en fait, ça dépend. Vive ça dépend l'avenir. Des moments. Bah. Disons que moi, le message que je retiens, finalement, c'est que l'impression que ça donne, c'est que l'homme n'est pas fondamentalement bon, qu'il a une espèce de... Parasite. Bah, que toutes les personnes qui tentent d'être généreuses finissent par être fatalement tuées, en fait. Ouais. C'est beau. Donc, ouais. C'est soit t'es généreux et tu te fais tuer, soit t'es mauvais et tu t'en sors, quoi, en gros. Bah, même pas, en fait. C'est vraiment tous les hommes tentent de se dédouaner de leurs actes, mm-hmm. En disant c'est un peu, je sais pas si vous connaissez le cas d'Eichmann qui a été traité par Hannah Arendt, qui était une philosophe, et elle parlait de la banalité du mal, c'est-à-dire que lui qui disait que non j'ai juste suivi les ordres, ouais. En fait on tente de se dédouaner de nos actes, et là c'est vraiment ça. C'est puis Goreng dit un truc que j'ai bien aimé. Alors attends, je vais essayer de vous le retrouver. Ce sont les hommes qui font le choix, manger ou être mangé, pas l'autorité mais eux-mêmes. Et c'est exactement vrai. Ça. Et en fait, tout le film est lié et tourné autour de ça, en fait, de cette morale qu'on tente de garder. C'est notamment le personnage de Goreng qu'on suit, qui tente désespérément de suivre sa morale. Et c'est quoi sa personnalité au personnage principal de l'histoire ? On sait pas tellement de choses sur lui. On sait que c'est quelqu'un d'assez lettré, ouais. Qu'il est assez intelligent. Mais qu'il est assez généreux aussi et qu'il tente vraiment de suivre sa morale. Mais sinon, en fait, on n'a pas tellement de contexte, en fait. Mmh. Ça sent pas le happy ending, ça. Ah bah... Je vous dis pas, là. Non, je vous dis pas. Je vous dis pas. Mais il y a quand même un bon message à la fin. Tu peux mourir tranquillement. Bah, c'est très métaphorique à la fin. On sait pas exactement... Maintenant que t'es mort, t'es tranquille, quoi. C'est pas en fait, on sait pas vraiment ce qui lui arrive, en fait. Ah. C'est très métaphorique, c'est pas... on ne sait pas. D'accord. Et il y a des gens qui peuvent sortir de cette prison ou... Ah non, on peut pas sortir de cette prison. Non, je me demandais. En fait, ça va être à un moment donné leur but, ça va être de tenter de sortir, ouais. Et d'envoyer un message notamment à ce duo. Mm-hmm. Mais ça s'avère difficile parce que Comment ? Il va retomber, pas avec la plateforme. Tu sais, t'envoies une bouteille, mais non. Je... Bah oui, il vaut mieux envoyer en bas qu'en haut. C'est vrai. Ah, bah c'est compliqué d'envoyer en haut, en l'occurrence. C'est pas faux. D'accord. Ah, voilà. Et tu, si tu le noterais, tu donnerais combien ? J'irais... Ah, c'est dur. J'irais au moins 7 à 8 sur 10. Ouais, ah ouais, ouais, ouais, c'est... J'ai vraiment été captivé par ce film. Puis vraiment l'image, les couleurs, la composition, c'est très très intéressant. Ça doit être assez sombre. Bah pas nécessairement en non fait. D'accord. C'est beaucoup dans des tons de rouge, de bleu très profond. Enfin c'est. Ah ouais. Ah ouais bleu c'est. Oui, d'accord. Ouais. Ouais, je m'y attendais pas celle-là. Ah c'est très sympa. Ah mais le rouge, le bleu, c'est des couleurs qui peuvent être, enfin qui peuvent être chaudes, mais qui peuvent être froides aussi, tu vois, dans ce. Oui. Mais il y a une notion de danger en fait. Ouais ouais c'est ça. Le rouge qui est associé au danger par exemple, bah oui. Rouge et bleu, c'est la police hein. Ouais et c'est les... ça. Les... la police non, bleue. Danger. Les poulets arrivent. Cachez-vous, cachez-vous. Follette, viens avec moi. Fais pas de vanne, ils nous écoutent peut-être. Mais ouais. On ne sait pas. Parce que nous voir. Ouais, ouais, ils ont pas notre adresse, tout va bien. Si, si, ils l'ont. Ils ont, ils ont l'adresse et, du site et ils ont l'adresse des studios. Donc, ouais. Ah, bon. Donc ils savent nous trouver. Exactement, on a fait des petits coups. Je vois des petites lumières rouges et bleues, je crois qu'on va y aller, les gars. C'est pour toi, Isma. Mais, et du coup, j'avais une dernière question. Ouais. Est-ce que tu as dit le nom du réalisateur ou pas? Oui, je l'ai dit au début, j'ai galéré pour le dire, tu te souviens oui, pas? Ah oui, c'est pas le nom, c'est un nom en portugais. Tu veux que je le redise pour c'est... ton plaisir? Eh ben non. Enfin, si, en fait. Si, si, vas-y. Ok, allez. Je le dis bien cette fois. Gardel Gadzelu Urrutia. Ouh la vache. Ah, c'est pour ça qu'il a pas un bon nom en plus. C'est peut-être pour ça. Tu sais peut-être ce qu'il a fait d'autre à la rigueur? Bah, il a pas fait énormément de films. J'ai regardé, il en a je sais plus combien il en a fait en tant que réalisateur, mais ouais. Il y en a aucun que tu connais ou que t'as déjà vu? Il y en a aucun autre que je connais. D'accord. Je crois que c'est le premier film qu'il fait en tant que réalisateur qui a vraiment carton. Ouais. Qui a une petite renommée, ouais. C'est le début d'une carrière. Ah bah franchement, vu son film, je l'espère. Bah ouais, ouais, ça a l'air vachement intéressant. Puis même, j'ai regardé un peu dans les acteurs, il y a quand même celui qui joue Goreng, qui ouais. joue dans le Labyrinthe de Pan. D'accord. Le film de Guillermo del Toro. Ouais, il y a un bière de pain. C'est parce que j'ai faim, voilà, mais ça c'est une autre aparté. Un peu de pain. J'avais du pain. Le pain qu'on mange en prison. Allez, ou ma chocolatine. Oula. Tu dis chocolatine, toi? Attention, attention. Tu vas te faire tuer. Hop. Ouh, Teddy va mal le prendre. Pain-lotine. Je pensais te garder pour l'année prochaine. Pain-lotine. Moi, je mange des pain-lotines. Des pain-lotines. C'est un mélange de pain et de chocolatine. Ah, j'aime bien, c'est mignon. Des pain-lotines. Et ça fait pas très beauf en plus, c'est parfait. C'est vrai, ça fait italien. Comment dire que tu es du sud sans être du sud, tu vois? Tu conciles le nord et le sud en toi. Concile, ouais. Game of Thrones. En parlant de concilier, on va peut-être passer à autre chose. On va peut-être écouter une musique de Julia Westlin, parce qu'il m'a sauté la ligne du coup. Pas du tout. Pouvez pas voir. Et en plus, Westlin. Ouais, Westlin. Non, Westlin. Westlin. Son titre, We Don't Care About Us. They Don't Care About Us. Attends, c'est une reprise de quelque chose, ça. De Michael Jackson. Mais oui. Jure. Je connais. Non. C'est bien, c'est bien. Et vous allez voir, la reprise est formidable. Ouais. Et c'est où, c'est sûr? Indestar.fr. Peak Avenger sur Indestar, c'est mieux que le jeu vidéo E.T. sur Atari. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peak Avengers. Il n'y a pas de mal, en même temps, ils les ont enterrés dans le désert, les jeux E.T. Bon, en tout cas, j'ai juste envie de dire, j'aime pas Michael Jackson, du coup, je suis déçu d'avoir entendu cette chanson. Et ben moi, je suis content. C'est pas Michael Jackson, ça? Non, c'est une reprise d'une de ses chansons, mais et c'est t'as pareil. Pas Michael Jackson? Du tout. Ah bon? Quoi? Je suis de ton sors. Avis. C'est le personnage, les vous musiques, sortez. C'est pas. Ouais, j'aime pas du tout. Non. On m'en a trop fait bouffer quand j'étais petit. Ah, peut-être, okay, Michael oui. Jackson ceci, Michael Jackson cela. Tu sais, c'est comme Justin Bieber, bah va sur foot, j'aime pas, voilà. Ouais. Et c'est comme les gens qui me disent, ah quoi, t'aimes pas Star Wars? Bah, je les ai tous vus, mais je les aime pas. J'étais pas fan du personnage. Mais par contre, pour la pop musique, je trouve qu'il a fait beaucoup. Donc après, aujourd'hui, en ayant travaillé en radio ou même encore en étant là aujourd'hui, j'avoue qu'il y a quelques chansons que j'aime bien. Bah voilà. Oh, c'est bien. Mais je n'aime pas Michael Jackson. Ah, okay. Là, tu peux. Tu regardes Live Wonderland. Donc toi, t'as grandi en écoutant du Michael Jackson. C'est ce qui t'a paru être le plus écouté dans ta jeunesse. Moi? Non, Isma. Non, mais c'est ce que dans la famille ressortait beaucoup, Michael D'accord. Jackson. Parce que c'est quand même c'est assez parlant de le roi de l'époque. La pop, attention. Alors, on va faire un petit tour de table, même si on n'est pas sur une table. Marguerite, toi, c'est quoi l'artiste que t'as le plus écouté dans ta jeunesse, alors que ça dépendait pas de toi? Oh, vous voulez pas savoir? Du Johnny Hallyday. Ah, ça c'est pareil, je le supporte. Christophe Oh merde, t'as pas de chance. Je préfère encore Michael Jordan, Jackson, je veux dire. Les premières musiques. Oh, Amel Bent. Il a carte. Oh. Oh. Oh. Oh. Je à 5 ans, j'étais là en mode viser la lune, ça ne fait pas peur des sacrifices, j'en ai déjà fait. Ah, moi, ma mère, c'est plus Zazie. Ah, ah oui, c'est pas mal, d'accord. Zazie, ouais. Zazie, François Pagny, beaucoup aussi. Florent, il s'appelle. Florent, pas. Florent Pagny. François Pagny. Non, mais ça, personne tout à l'heure a compris que, après, avant de dire Michael Jackson, j'ai dit Michael Jordan, mais ouais. Bon. Florent Pagny, si d'ailleurs, qui un jour a fait un vol dans une boulangerie. Mais. Il a volé des paninis. Ouais, non, mais c'est ça, mais Florent Panini. Wow. Il a nié les faits. Il a pas compris. Il a pas compris la blague, mais c'est juste que ça m'a pas fait rire. Oh, c'est pas grave, c'était mal fait. Et toi, Théo, t'as grandi avec quoi comme musique? Alors, mon père, c'était assez rock'n'roll, c'était AC/DC, Queen. Voilà, il y avait aussi chanteurs français, style. Tiffen, par exemple, pas mal. C'est quoi ce Hubert Félix Tiffen, quand même, grand chanteur français. Merci. Même pas que c'était un nom de mal. Bref, la fille du coupeur de joint, tout ça, ça te dit rien? Non. La fille du coupeur de joint? Mais oui. C'est même pas un métier, coupeur de joint. Oh là là. Mais si. Rien, Ah oui. Ouais. Ah oui, dans ce domaine-là, bien sûr. Et ma mère, c'était un peu plus ringard, hein, mais c'était du genre Sheila ou compagnie, tu vois. Mais ah, c'est un autre genre. Ouais, c'est un autre genre. Mais non, j'ai beaucoup. Enfin, j'ai eu une bonne culture musicale de par mon père. Pour le coup, je suis plutôt content. C'était pas trop, c'était pas trop mauvais. Écoute-toi. Ouais, t'es content. Ouais. Moi, j'ai pas eu de bol en vrai. Ah. J'ai eu du Johnny Hallyday du côté de ma mère. Pff, oh, qu'est-ce que j'en ai bouffé de cette merde. Je le déteste, ce type, à cause de. Ah bah ouais, je comprends. J'étais content quand il était mort. J'ai appelé ma mère. Mais maintenant, t'as vu, il est mort. Tiens, dans ta gueule. C'est méchant. Vraiment. Et c'est bien pleuré, c'était génial. Non mais moi je comprends pas les gens qui pleurent pour ça. Enfin je veux dire, c'est juste des humains comme nous. On hein. connaissait pas ce plus. Ah bah oui, mais ça, quand attends, Johnny Hallyday, il a quand même une carrière un extrêmement longue. Non non, mais t'as des gens qui étaient fans de Johnny Hallyday dans les années 60 et qui sont restés jusqu'il y a 3 ans, tu vois. Donc forcément, t'as l'impression de perdre, je veux pas dire quelqu'un de ta famille, mais quelqu'un que t'as l'impression de connaître quand un petit peu. Donc, forcément, enfin je comprends que si t'as toujours été fan de ce mec-là, surtout qu'il y en a, il y avait des grands fans hein, de Johnny Hallyday pour le coup. Ah bah je peux dire et, les maillots qu'elle a sont les... fait tatouer. Non mais exactement, il y en a qui ont eu des enfants au même moment et qui les ont appelés pareil. Hein, oui, ouais, non, mais il y en a qui ont poussé le truc assez loin. Après, je vous avoue, moi, le jour où Sacha meurt, je pleure. Ou qui? Mais Sacha. Je te comprends. Sacha Distel. Non. Non, Sacha. Sacha, le futur maître Pokémon. Oui. Ah, mais déjà que le film, quand ils l'ont sorti, bah, je crois pas qu'il est sorti par chez nous. Il y a un film au cinéma qui est sorti sur Pokémon et qu'en gros il se réveille d'un coma et en fait il a rêvé du monde des Pokémon. Oh tu non l'avais vu ça? Alors ce n'est pas un film, c'est une fanfiction basée sur une théorie qui n'a jamais été validée par la Nintendo Company. Je dis pas qu'il a été validé. Enfin, par la Pokémon Company. Et ben en gros le mec il a rêvé en fait de tout ça. Il a rêvé de alors, son aventure Pokémon. En gros, pour faire simple, donc en fait Sacha un jour n'a pas rêvé que des Pokémon. En fait les Pokémon existent bel et bien. Le jour en fait où on le voit choisir Pikachu, donc son Pokémon de départ, et vous savez, il se bat contre une horde de piaf avec, et en fait à ce moment là il prend sévèrement des dégâts et en fait il se tomberait dans le coma après avoir eu Pikachu, mais en fait il, dans son coma en fait on le verrait ses rêves, donc le monde des Pokémon continuait à vivre, et c'est pour ça que c'est super enfantin, que tout est parfait, tout est gratuit. J'ai d'ailleurs toujours 10 ans. Hein. Tout est gratuit, hein, t'achètes bah non, tout est gratuit, les gens donnent tout, enfin bref, c'est tout est parfait et voilà, c'est très très enfantin en fait. D'accord. Et en fait il se réveille de son coma et voilà, et en fait il y a quand même des Pokémon, donc oui, ils sont oui. plus cruels. Ça je savais pas, donc là ça, ouais, c'est vrai que ça casse la cruauté que ce que j'aurais pu en et faire. Tu vois, le hasard fait que cet après-midi j'étais sur Facebook pour regarder un petit peu, je commence à préparer justement la rubrique Pokémon, puisque voilà, je vais vous en parler d'ici quelques instants, sur les jeux vidéo qui sont sortis sur la Nintendo Switch, les deux, enfin les quatre opus, pardon. Et bah justement, j'ai revu cette théorie réexpliquée par des chroniqueurs du site jeuxvideo.com. Voilà, d'accord. Donc qui vérifient entre guillemets les informations, quand même, c'est beaucoup plus sûr. Et du coup, oh bah oui, jeuxvideo.com. Moi aussi, j'avais la moitié de la théorie comme toi où il se réveillait effectivement, et en fait, les Pokémon n'existaient pas, mais non, les Pokémon existent quand même, c'est juste que c'est pas si fantastique que ça, quoi. J'ai même pas voulu aller chercher quand j'ai entendu ça. Ouais. C'est un peu comme dans Pokémon Détective Pikachu, voilà, qui est sorti au cinéma, où c'est un truc vachement plus réaliste et beaucoup plus sombre que les Pokémon de base. Tu le conseilles celui-là? Ouais, franchement, je l'ai vu, j'ai bien rigolé avec Ryan Reynolds qui incarnait le Pikachu, enfin bref, vous verrez. Oh merde, j'ai spoil. Bon, bref, bon, après vous avez qu'à le voir, c'était l'année dernière. Hein, c'est mais bon, en attendant, méga transition, vu que tu vas parler de Pokémon. Exactement. Exactement. Alors, faut savoir, donc, comme je disais au début de l'émission, pour ceux qui n'étaient pas là, tout simplement, j'ai acheté une Nintendo Switch il y a même pas 2 semaines et je me suis dit qu'est-ce que je vais jouer comme jeu dessus. Il y avait des Mario et tout, j'ai fait oh, retour en enfance. Et puis j'ai vu Pokémon et là, j'ai fait waouh, retour en enfance. Oui, t'as tout à fait raison, Théo, c'était waouh, retour en enfance, mais encore plus profondément parce que je suis vraiment un big fan voilà, des Pokémon. Je les ai saignés quand j'étais petit, j'ai triché dessus quand j'étais petit, j'ai acheté des arcades pour avoir des Pokémon cheatés, tous les objets, etc. Parce que j'avais pas voilà. Ah bah, fallait aller voir l'intelligence, non, je rigole. Et la thune surtout, ça coûtait vachement cher. C'était sur Game Boy à l'époque, c'est sorti quand j'étais Game au collège, Boy ça. Et même Game Boy avant, ouais. Pas, même pas sur la Pocket, hein, je crois aussi. Ouais, sur la Pocket. Oui. Mais, ouais, j'étais 6ème, 5ème par là quand c'est sorti, et c'est vrai que c'était un vrai phénomène à l'époque. Hein. Alors, du coup, est-ce que toi tu y as joué beaucoup, enfin Théo, il y a. Non, pas du tout. Pas du tout, j'avais une Game Boy, hein, mais. Je jouais à Tetris. Tu fais partie de ce type-là de gamer, ok, ouais. Bah ouais, les gamers. D'anciens gamers, je veux dire. Les jeux d'arcade. Non, très peu, les bornes d'arcade. J'avais quand même une console à la maison, un même ordinateur pas. Et tout ça, hein, attention. Voilà. Et toi, Marguerite, est-ce que t'as joué à Pokémon quand t'étais plus petite? Ouais, je jouais pas mal à Pokémon. Je me souviens qu'il y en avait un que j'aimais particulièrement, mais je me souviens plus exactement du nom. En fait, tu étais à la place d'un Pokémon. Donjon Mystère. Oui, les Pokémon Donjon Mystère. C'était tellement bien. J'adore. Ça, j'ai adoré aussi. Une semaine, je les ai saignés. J'ai fait tout le jeu. Ouais, ouais. Et pourtant, il est assez long en plus. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce type de jeu Pokémon, en fait, d'habitude, quand on joue à Pokémon, on incarne un dresseur de Pokémon qui capture des Pokémon et qui combat d'autres gens. Là, cette fois-ci, on incarne un Pokémon, en fait. Enfin, un dresseur de Pokémon qui est changé en Pokémon et qui doit sauver les autres Pokémon. Donc du coup, quand on commence ce jeu, en fait, on a un test de personnalité au tout début pour désigner quel Pokémon on ressemblerait le plus. Est-ce que vous aussi, vous l'avez refait plein de fois? Oui, je l'ai refait plein de fois parce que au début, j'étais là, un vieux Pokémon tout pourri. Machoke. Genre un espèce de rat qui s'appelle Ratata, Missouri Mirat, et là, mais c'est de la merde. Je veux être un putain de dragon. Et puis voilà. Enfin bref, là elle est pas la question, mais oui, très bon jeu. Et faut savoir que si tu veux t'acheter une Nintendo Switch, il y en a un qui est ressorti dessus. D'accord, bah voilà, pas. Avec des nouveautés graphismes, etc. Et c'est trop bien. Et je l'ai. Tu l'as toi, Teddy? Ouais, tu joues à Pokémon Donjon Mystère DX. Ouais, DX, c'est ça. Et ouais, je l'ai, et franchement, ouais, il est pas mal. J'ai adoré. Ok. Bon, en tout cas, alors cette semaine, du coup, dans PKVenger, moi je voulais vous parler donc des Pokémon. On en parle déjà depuis tout à l'heure si vous nous suivez sur Indestar ou www.indestar.fr. Peu importe où vous nous écoutez, on vous aime. N'oubliez pas ça. Vive le déconfinement. N'oubliez pas de faire des dons sur Tipeee, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Voilà, le temps qu'on le mette en place, le Tipeee. Voilà, sur le futur Instagram qui n'existe pas encore. On est vachement présents sur les réseaux sociaux. Si, on a Instagram quand même. Il n'y a pas grand chose dessus, mais. Il y a des perles. Ah, c'est possible. Hein. Voilà, n'est-ce pas, c'est juste qu'on va reprendre tout ça en main grâce à notre superbe team de communication. Tout à fait. Enfin bref. Qui va être composé de moi. Youpi. Voilà, donc vous voyez c'est quoi un petit peu l'équipe des PK Avengers, la meilleure team des PK Avengers. C'est ça. D'accord. Ça n'a aucune logique son truc. Mais il n'y a pas de logique. Bon, les Pokémon, là, on s'égare. Ouais, bon, c'est que je réfléchis en même temps, en fait. Je gagne du temps depuis tout à l'heure. J'ai commandé une pizza après. Donc, en gros, en fait, cette semaine, je voulais vous parler un petit peu de mon ressenti parce que depuis tout petit, je joue Pokémon. Donc, j'ai commencé sur la Game Boy Color. J'ai joué à Pokémon Rouge. Quand c'est sorti, c'était le Pokémon Rouge. C'était représenté par Dracaufeu, un des Pokémon de départ. Après, j'ai évolué vers la Game Boy Advance SP, le truc tout carré qui était où on pouvait plier l'écran. C'était la folie ce truc. Là je joue à tous les Pokémon qui sont sortis. La vraie folie, c'est que t'avais de la lumière. Oui aussi. Ça c'était le feu. Tu pouvais jouer dans la nuit. C'est ça. C'est trop. À rétroéclairé, tu veux dire. Ouais, rétroéclairé. Ouais. Tu choisissais l'éclairage, même le son était mieux. Enfin, les jeux étaient en couleur aussi. Mais tu sais que sur la Game Boy originale, t'avais un kit que tu pouvais mettre dessus pour avoir le rétroéclairage. Ouais. Quand t'es gamin, ça tu le sais pas. Ouais, c'était une option, c'était cher. Parce que faut savoir que moi, ma première Game Boy, je l'ai eu à 8 ans, mais à l'époque, que la Game Boy c'était déjà plus d'actualité, c'était la Game Boy Advance qui était déjà sortie. J'ai toujours eu une ou deux générations de retard. Et donc voilà, donc j'ai pu jouer au Pokémon Vert-Feuille, Rouge-Feu, etc., qui étaient des reboots des tout premiers Pokémon. Ça a évolué vers d'autres et ainsi de suite. Et j'ai continué mon aventure jusqu'à la Nintendo Switch qui est là aujourd'hui. Et du coup, en fait, le premier Pokémon que j'ai acheté, ça s'appelle Let's Go Evoli. Et ça reprend en fait l'histoire du premier Pokémon qui était sorti à l'époque sur Game Boy, qui était Pokémon jaune, qui représentait donc Pikachu, le Pokémon le que Sacha a au départ. Pokémon jaune, il a juste une légère différence avec Pokémon bleu et rouge, c'est juste que t'as ton Pikachu en fait qui te suit derrière. Voilà. C'est pas grand chose. Et puis tu commences avec Pikachu, donc. Tu commences avec Pikachu et tu peux avoir les 3 starters aussi. Non. Si. Non. J'avais les trois starters. Et bah t'as triché. Non, parce que je sais pas tricher et je n'avais pas de câble link. Parce que pour faire des échanges aussi, il fallait un câble link. Pour... Saloperie, putain. Ça coûtait cher et ça fonctionnait une fois sur trois. C'est avant l'invention du wifi. Mais ouais. Non, tu peux avoir les trois. C'est l'un des principaux atouts d'ailleurs, parce que sinon t'as aucun intérêt. Enfin bref, donc du coup je me suis remis à ce jeu, je l'ai saigné, voilà, j'ai fait 20 heures dessus en 2 jours, donc je vous laisse dire les journées que j'ai passées dessus ou même les nuits, normal. Sans spécialement dormir, et j'étais très épris de ce jeu, franchement il y avait plein de nouveautés, d'habitude dans Pokémon, quand on doit capturer un Pokémon, on lance une Pokéball et on attend et c'est fini, là c'est comme dans Pokémon Go, faut que tu bouges, parce que le Pokémon bouge et que tu le lances au bon timing la Pokéball, pour que ce soit plus efficace, que ce soit mieux, etc. Au moins c'est réaliste. Voilà, c'est un peu plus réaliste effectivement, et franchement c'était cool, en plus on peut même y jouer à deux. En même temps, ça c'est vraiment cool, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième dresseur qui vient t'aider, du coup tu combats en deux contre un, c'est plus facile. Si tu lances les deux Pokéballs pour capturer un Pokémon en même temps, t'as une super belle animation, comme si t'étais un super héros, ce que tu veux, et du coup tu captures encore plus facilement Pokémon. Et personnellement, moi j'aime bien le concept aussi justement de t'affaiblis pas le Pokémon, parce qu'avant dans les Pokémon, en fait, c'est faut que tu le maraves à mort pour qu'il ait plus que tu le tabasses. Coup de PV. Voilà, tu le tabasses et après tu peux le capturer, il est à toi. Voilà. Alors que là, il est content d'être à toi parce que tu l'as tabassé. C'est ça. C'est ça. Tandis que là, t'envoies juste une Pokéball et bah si le Pokémon veut bien, Inch'Allah ça passe, sinon ça passe pas quoi. Par contre Margot, quand tu dis c'est plus réaliste, c'est à dire que tu captures souvent des Pokémon toi? Mais non. Tu dis ah oui ça ressemble c'est à la réalité moi quand je complètement de son côté. Ça, mais non, mais cette fois au lieu à avant, quand tu voulais attraper un Pokémon, bon, il sautait sur place légèrement, tu vois, avec cette petite animation qu'on apprécie. Et maintenant, tu dois le courir après, c'est déjà plus réaliste. D'accord, excuse-moi, ok. Oui. Ouais. Et puis, il faut savoir que grosse nouveauté, avant, les Pokémon, ça s'attrapait que dans les hautes herbes, mais jamais tu les voyais dans les hautes herbes. C'est et ça. C'est toujours caché, tu sais, dans des et tout petits buissons. Musique, ta-na-na. Voilà, et après, t'avais la musique, ta-na-na, attention, le Pokémon est là, et t'as été content. Et t'avais des Pokémon de base aussi. Oui. T'avais pas de Pokémon évolué, genre, tu trouvais pas un Dracaufeu sauvage. Non, c'est ça. Alors que là, tu pourrais. Tu ouais. pourrais et aujourd'hui, en fait, maintenant, on voit carrément les Pokémon se promener sur la map. Donc, un Pokémon qui est de type vol et qui vole, il vole vraiment. Et si tu veux l'attraper, faut que tu arrives à lui courir dessus quand il redescend. Faut que tu les surprennes. Parce que maintenant, même les Pokémon qui sont sauvages, ils ont une certaine psychologie. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont fuyards, il y a ceux qui vont te foncer dedans pour essayer de te maraver la gueule en combat. Enfin, voilà, ça a vraiment bien évolué. Et bah là, c'est réaliste. Ils voilà, et on s'approche vraiment de la réalité. Et ça, c'est dans Let's Go Evoli et Pikachu. Parce que du coup, ils ont fait un remake de Pokémon Bleu, comme tu disais, et là, c'est pour se mettre dans le bain des nouvelles technologies. C'est un petit rafraîchissement, en voilà. fait, carrément, pour voilà. se préparer à la suite. Exactement. Mais après, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé Let's Go Evoli, j'ai pas eu l'occasion de jouer à Pikachu, mais c'est les mêmes versions, oui. sauf qu'on change juste le Pokémon de début. Et c'est vraiment sympa, toutes ces nouvelles fonctionnalités. Après, j'étais un peu perdu, parce que j'avais pas joué à Pokémon depuis au moins 5-6 ans, facilement. Et du coup, je me suis juste après acheté, une fois avoir fini l'autre, Pokémon Épée Bouclier, qui sont sortis l'année dernière, là en novembre 2019. Donc ça fait même pas un an. Et c'est le jeu à la mode. Et là, c'est encore plus réaliste, l'histoire est beaucoup mieux de mon point de vue, en tout cas j'ai beaucoup plus aimé c'est ce Pokémon. Une certaine logique plus voilà. Je sais pas, ouais, comme tu dis, plus mieux. Et puis je l'ai trouvé plus difficile aussi. C'est la difficulté moi que j'aime bien rechercher dans Pokémon parce que les jeux sont ouais, j'aime chercher la difficulté. Oui, je dis pas qu'il est difficile le jeu, mais c'est un peu plus difficile déjà d'atteindre de combattre les 8 champions, gagner leur badge pour prouver qu'on les a battus, faire la ligue Pokémon et combattre les meilleurs dresseurs, etc. Là, il faut quand même entre-temps aller capturer des Pokémon pour gagner de l'expérience en combat, combattre des dresseurs pour gagner toujours plus d'expérience. Voilà, faut vraiment suivre un cheminement logique. Oui. Dans Pokémon Let's Go Evoli, ce que j'ai pas aimé, c'est que tout est facile. Une fois que tu commences, bah ça s'arrête plus et tu gagnes trop facilement. Les combats, les Pokémon sont trop faciles à attraper. Il n'y a pas de challenge. Je me suis vite ennuyé et j'ai fini le jeu en 20 heures. Là, en 40 heures, j'ai fait le deuxième. Donc déjà, le double. Ouais, c'est déjà pas mal pour une durée de jeu. Voilà. La durée de vie du jeu. Que c'est ça. C'est vrai, c'est important parce qu'en plus, c'est des jeux... Enfin, ça coûte combien un jeu Actuellement, les jeux, si vous les achetez, sont à plus de 60 euros. Ouais, donc voilà. 70 ou 9. Quand tu dépenses 70 euros, c'est bien que tu puisses tenir 40 heures sur le jeu. C'est ça. Ah, bah, c'est un minimum, je dirais. Bah ouais. Surtout que maintenant, que ce soit sur PC ou sur les consoles comme la Xbox ou la PS4, c'est quand même les gros jeux qu'on achète à 70 euros. Généralement, il y a 70 à 500 heures de jeu possible dessus. Et puis c'est pas très répétitif généralement. Enfin voilà, il y a vraiment des grosses histoires, des gros personnages, de la grosse 3D, sa race, etc. Là, on est quand même sur quelque chose. On a de la 3D maintenant, on voit les personnages en 3D, il y a vraiment un bel environnement. C'est super stylé, mais ça reste encore quand même bien moindre face à ces autres consoles ou même le PC tout simplement. Ouais, bah après, enfin des consoles comme la Nintendo Switch, ouais. Enfin, chez Nintendo, en règle générale, depuis pas mal de temps maintenant, ils se démarquent des autres. Ils se démarquent, voilà. Ouais. Non pas sur la qualité graphique, où ils savent que de toute façon, Microsoft ou Sony à côté, ils font mieux, mais plus sur l'originalité, les thématiques de jeu, les univers de jeu aussi. Voilà. Bah, ils ont leur saga, hein, ça marche à fond parce qu'il y a Zelda, il y a Mario, il y a le Super Smash Bros. Ball maintenant, qui est très utilisé pour les tournois compétitifs parce que c'est très dur. C'est un jeu de combat donc c'est très dur. Il y a les Pokémon. Et justement, dans ces univers qui sont des univers fantastiques, ils cherchent pas forcément le réalisme de, tu vois, du terrain, mais plutôt de justement cultiver cet univers un petit peu fantastique, quoi. Et puis ça reste des jeux en fait que tu peux jouer en famille. Ouais, voilà, c'est très familial. Tu peux avoir 30 ans, tu peux y jouer. Oui, bah de toute façon, c'est des jeux à la base qui sont vraiment faits pour les enfants. Il y a très peu de jeux gore. Enfin, en fait. Oui. Il n'y en a aucun même sur la Nintendo Switch. Non, c'est l'univers Nintendo, ouais, depuis la Wii particulièrement, mais même avant, mais sur la 64, etc. C'était quand même plus univers fluo, etc. Et paillettes, plus que la PlayStation par exemple. C'est plus adapté pour les enfants, tout simplement. Ouais, ouais. Y a pas à chier. Mais du coup, c'est pas plus mal. Franchement, je vous avoue, si vous voulez jouer en famille, etc., la Nintendo Switch ou même la Wii, qui est encore largement trouvable partout en France, même la Wii U, vous allez bien vous amuser, surtout en période de confinement. Je peux vous dire que ça nous a bien aidé, nous, dans la famille. Ça te permet de faire du sport à la maison, c'est ça? Ouais, non, mais c'est vrai, hein. Il y a des jeux de combat, etc. Faut utiliser les manettes, donc faut bouger. Ou alors vous prenez une Xbox et vous achetez la Kinect, comme on dit. Oui. Voilà, pour faire du Just Dance ou du Kinect Sport Evolve. Et puis allez vous dépenser aussi à travers l'écran, bien évidemment. La Wii U, ça avait pas très bien fonctionné, ça, quand non, même. Non, ça par a été un Wii flop par rapport à la Wii, totalement. On n'en parlera pas. C'est ça. Revenons à Pokémon épée bouclier. Du coup, t'as trouvé. Bah, du coup, pour finir là-dessus sur une bonne note, bah, je vous conseille honnêtement, si vous avez une Switch et que vous avez jamais joué à Pokémon, bah, n'hésitez pas à acheter Pokémon épée ou bouclier ou même Let's Go Evoli ou Let's Go Pikachu pour découvrir ces univers qui sont très jolis maintenant. Parce qu'avant, c'était quand même de la 2D avec un petit personnage qui marche. Enfin, c'était pas tip top. Là, on a vraiment beaucoup évolué. C'est très joli. L'histoire est prenante. Il y a plein de belles choses à découvrir. Et puis, vous allez retrouver une âme d'enfant grâce à ça. Soit. Moi je l'ai déjà acheté de toute façon. Tu les as déjà saignés aussi, je le sais. Très convaincu là. J'ai été déçu un peu quand même par Pokémon, c'est lequel que j'ai acheté, c'est Bouclier. Parce que ça a duré de vie. Bah, ça a duré de vie et peu aussi, effectivement. Bah, ouais, en fait, je l'ai saigné tellement fort que. Oh, c'est bizarre dit comme ça, mais en gros, j'ai été tellement. Tu as tellement joué que. Ouais, deux semaines, c'était plié. Alors. Ouais. Bah, c'est ça le souci, comme moi j'ai en deux jours j'ai fait le premier Pokémon après 5 ans sans y avoir joué, bah je l'ai fait en 20 heures voilà non-stop quasiment, et le deuxième que je suis en train de faire c'est presque ça aussi. Donc, Alors que les donjons mystères, tu vois, donjon DX, lui tu le fais pas en une semaine ou deux semaines. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est mais ça. Je les ai même pas tous encore, je l'ai pas fini. On pourra en parler une autre fois dans une prochaine émission des Peck Avengers, une spéciale, enfin pas spéciale, ouais, forcément une spéciale. Ouais, on verra ça les prochaines. Voilà. Mais ça peut être faisable en effet. On va finir avec un petit point actu. Ouais, totalement. Alors, tu as dit que tu as fait des actus jeux vidéo, j'imagine. Alors, pas que jeux vidéo. Moi, je vous fais les actus un petit peu sur tout ce qui est technologie. Après, ça peut être jeux vidéo s'il y en a et que c'est intéressant. Mais des actus un peu aussi insolites. Je voulais notamment vous parler tout à l'heure, je vous le tease, voilà, qu'un Indien a accusé récemment Google Maps d'avoir détruit son mariage. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse cogiter sur ça. Je vais vous parler aussi de Netflix qui va prendre des mesures pour ceux qui n'utilisent plus leur compte depuis longtemps. Et c'est pas des bonnes mesures, ou peut-être que si, je vous le dis pas non plus. Mais ce que j'ai envie de vous parler là pour l'instant, c'est de films et d'univers de cinéma avec l'univers DC Comics. Je la connais, celle de l'Indien. J'ai un tilté, j'ai réfléchi et je la connais, l'Indien. Alors, si ça date d'avant 2020, c'est pas bon. En fait, tu vas me dire si j'ai bon. En fait, c'est un mec, il a porté plainte contre Google. Il a été chez les flics pour porter plainte parce qu'en fait, sa meuf fliquait son téléphone et a voyé son parcours GPS. Ouais. Et soi-disant, son parcours GPS, c'était pas bon. Ça le faisait aller dans des endroits où qu'il y allait pas vraiment. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est d'après ce qu'il dit, d'après les dires de lui et d'après les dires de son entourage. Ouais, ouais, ouais. Mais en réalité. Personnellement, je sens le coup. En fait, il y a vraiment été. Bah oui. Personnellement. Un GPS se trompe. Mais oui, pas. Google ne va pas te faire aller dans des endroits perso. Non. Et je peux spoiler le coup de Netflix. Allez, boum. Vas-y. Non, mais Je crois savoir qu'il te sucre ton abonnement, c'est ça? Il t'enlève ton abonnement Netflix quand tu n'y vas pas? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça pourrait m'arriver en vrai parce que j'ai un abonnement Netflix, mais. Ah non, remarque non, parce que j'ai une autre personne qui l'utilise. Je donne les codes à quelqu'un. Non, mais c'est vrai, c'est... je t'aurais bien demandé si tu l'utilises pas. Franchement, pour t'aider, je peux accepter. Non, c'est vrai, non, ma meilleure amie a mon compte aussi et elle y va vachement plus que moi pour le coup. Mais c'est vrai que moi je suis pas un utilisateur régulier de Netflix. Bon, bah vous savez quoi, on va commencer par l'Indien et je vais faire Netflix et je finirai par le DC Comics puisque vous avez tellement bien teasé les trucs. Donc, en gros, pour ceux qui n'ont pas bien compris l'histoire vis-à-vis de cet Indien qui accuse donc Google d'avoir détruit son mariage, en fait, c'est un homme donc originaire d'Inde qui s'est rendu au commissariat un jour pour porter plainte tout simplement contre Google. Vous allez me dire, mais pour quelle raison? Bah, il accuse. Oui, mais c'est une raison vraiment conne. Il accuse la firme américaine donc d'avoir détruit son mariage. Et là, vous me dites, comment c'est possible? Et bah, tout simplement. Parce qu'en fait il est marié à une femme et quand on est sur Google Maps aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps plus que qu'avant, surtout que vous avez très peu bougé, quand vous allez à un endroit genre à Intermarché, oui, tu dis, à qu'est-ce que vous avez pensé d'Intermarché, voilà, ouais. Qu'avez-vous pensé d'Intermarché, ouais, ouais, et ouais. On peut retracer grâce à Google Maps historique, ouais. Voilà par vers où on est passé, mais tu sais que ça, enfin ça fait longtemps que ça existe, alors il y avait moins ce principe de dire qu'est-ce que vous avez pensé de ci ou ça, mais le principe d'historique et ça fait flipper quand tu regarde tes trucs parce bah que oui. Tu remontes à 2014, qu'est-ce que vous avez fait tel jour, et quand tu prends des photos aussi. Comment te faire griller par ta meuf. Non mais il te met les photos que tu as prises au moment où tu les as prises, etc. Ouais. Et ça te fait flipper parce que tu te dis bah ouais, le parcours sur ta carte, à 15h32 t'étais à Intermarché, à 16h38 t'étais au travail, machin, tu peux vraiment tout retracer, t'as bien ton traceur GPS dans ta poche. Quoi. C'est très flippant. Mm-hmm. Et justement c'est ce qui est arrivé à ce pauvre homme puisque sa femme a commencé à flipper quand elle a vu qu'il allait à des endroits où il était pas censé aller. Donc forcément bah, ce monsieur et sa femme ont divorcé, ils ne sont plus mariés et du coup il est allé à la police voilà, au commissariat pour déposer plainte contre Google parce que bah, Google a gâché son mariage. Ah bah il avait qu'à supprimer l'historique, voilà. Voilà. Bah déjà ouais, il peut supprimer l'historique puis même enfin contredire Google, faut vraiment avoir des couilles quoi. Ouais. Et en plus, il leur demande une compensation financière, ah bah évidemment, en réparation des dures épreuves qu'il a dû traverser. Attention, j'imagine bien. Combien de millions ils demandent ? Il y a pas de chiffre qui a été donné, ouais. Mais en tout cas, faut quand même savoir que du coup, la police, ils ont pas donné suite à sa plainte, puisque l'inspecteur, il envisage d'abord d'appeler les deux époux, enfin les deux ex-époux, dans l'espoir de les réconcilier. Mais que si ça fonctionne pas, bah, il va faire suite à la plainte de Monsieur Chandra Skekar. C'est marrant, c'est le commissaire qui d'abord fait agence patrimoniale et puis ouais. Ouais, c'est bizarre, mais bon, ok. Et donc tout ça s'est passé là le 21 mai 2020, donc vous voyez c'était pendant, c'est tout récent, c'est tout récent, pendant que c'est la galère en Inde aussi vis-à-vis du Covid, hein, faut pas oublier que ça, voilà, ça aurait pu être une histoire dès que tu solides en vrai. Ouais, ouais. En vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas aujourd'hui je sais pas personnellement si les allégations sont fondées, on a vraiment plus aucune info vis-à-vis de ça, ouais. On espère quand même que sa situation sentimentale va s'améliorer suite à cet appel voilà qu'il a moi, fait j'espère à, que non. À Google. J'espère qu'il aura retenu la leçon, moi, perso. Et puis surtout que, enfin, de se dire que Google va accepter de payer une compensation si sa responsabilité venait à être établie, franchement, ça me paraît ouais, un gros lol parce que déjà les États. Les pays, hein, je parle, ils ont du mal à contraindre à Google à payer ses impôts. Alors qu'est-ce que tu veux foutre d'un petit Indien, excusez-moi du terme, voilà. Oui, et puis je pense que, enfin, s'il y avait une faille dans le système, tu vois, ça serait pas arrivé qu'à ce monsieur. Donc ouais. Bon. Puis du coup, comme tu disais, Yann, par exemple, cette histoire d'un petit peu de David et Goliath, parce que David, voilà, c'est le petit Indien et Goliath, c'est Google. Bah, on se rappelle que faut faire attention aux nouvelles technologies. Il faut pas trop leur faire mettez confiance des petits scotch sur vos et surtout de pas leur donner trop d'emprise sur notre vie tout non, simplement. Non mais on peut en fait, c'est un petit peu ça qui est vicieux dans le système, c'est-à-dire que tu peux sur Google Maps effacer ton historique ou dire à Google que tu ne veux pas qu'il te trace. Oui. T'as la possibilité de le faire. Seulement déjà il faut aller dans les options pour s'en rendre compte que déjà il te trace parce que à la base que tu y fais pas forcément gaffe jusqu'au moment où t'arrives sur ce genre de rubrique. Et en plus de ça, tu te rends compte que bah ce genre de choses, ça t'apporte aussi des côtés pratiques dans la vie de tous les jours. Donc en fait, tu t'es toujours un peu partagé entre le je le laisse parce que c'est sympa et que d'ailleurs quand tu le désactives tu le sens tout de suite parce bien que sûr. Tu dis ah bah tu cherches un truc, tu vois, t'as pas la recherche automatique ou t'as pas le machin, donc c'est galère et le côté vie privée à préserver quoi, donc voilà, c'est, mais sachez-le que effectivement de base vous êtes tracé quoi. C'est ça. Et puis là on a Marguerite depuis tout à l'heure qui est sur son téléphone Google Maps et qui efface tous les historiques. C'est vrai, on se demande bien pourquoi. Chut. C'est pour ça qu'il faut passer iPhone. iPhone, il n'y a pas Google Maps. Non mais c'est pareil, t'inquiète pas, que Siri il te suit autant et c'est pareil hein. Et t'es, si c'est aussi traché. Je suis pas d'accord, je vais vérifier. Non mais vérifie, tu verras qu'il sait tout de toi, monsieur Cook. Ouais. D'accord. Et du coup on va continuer avec les bonnes nouvelles hein, puisqu'après cet Indien qui n'a rien gagné grâce à Google et a tout perdu, bah on va continuer avec Netflix donc qui a donc pris des mesures pour ceux qui n'utilisent plus leur compte. Donc depuis longtemps, donc Théo en a parlé puisqu'il avait deviné. Effectivement, Netflix ne trompe plus face aux géants et à la concurrence qui s'appelle Disney, puisque grâce à l'épidémie du Covid-19, grosse nouvelle, Netflix coûte plus cher maintenant que Disney en bourse. Ah ouais. Ouais, ils sont passés devant. Et du coup, attends, plus cher que Disney en entier ou Disney Plus ? Disney en entier. Disney en entier, parce que Disney Plus vient d'apparaître. Enfin, d'ailleurs, il est paru pendant le confinement. Donc, oui, c'est possible ça ? Ah oui, oui. Mais bien sûr. Netflix est passé devant Disney là en termes de bourse. C'est Disney, c'est toute la société, toute l'entreprise en entière. Ça inclut les sous-filiales Disney Plus, tout ce que Marvel, tu veux. Ah bah oui. Mais c'est n'importe quoi. Bah attends, Netflix en même temps, c'est et possible. D'ailleurs pendant le confinement ça a explosé. Ah je bah pense, oui, c'est grâce au confinement. Hein. C'est vrai, le confinement c'était pas du tout ça. Ah mais Disney Plus, moi par exemple, je l'ai eu aussi pendant le confinement. Mm. Oui, mais forcément, enfin Disney Plus, même s'il y en a, ça a bien fonctionné hein, le départ, mais par rapport à Netflix, t'as beaucoup moins d'abonnés pour le moment. Bien sûr. Oui, c'est sûr. Puis il y a eu Amazon Prime avant Disney Plus aussi, donc déjà, tu vois, c'est plus compliqué. Mm. Et ça me choque. Ça te choque. Pour moi, Disney, c'est genre les rois du monde. Ah, le roi lion. Mais sur Disney Plus, ils ont pas tellement de choix pour l'instant. Ouais, oui, c'est que les trucs appartiennent à Disney. Ouais, ça reste du Disney. Bah ouais, en même temps, c'est vrai que l'univers est plus réduit. Hein. Ouais. Regardez vice versa et c'est tout. Quoi. Super. T'es ouais, content de payer ton abonnement du coup. C'est pas moi qui paye. Mais bon. Ah bah bravo. Bah oui. Mais bon, pour moi, vraiment, ils étaient les rois du monde après Bill Gates, bien sûr. Ah, forcément, le fameux Bill Gates, ouais. Gentil, méchant, on ne saura jamais. Mais enfin bref, du coup, il faut savoir donc depuis ce mois de mai, là, 2020, Netflix donc innove en prenant une mesure de taille qui vise tous ceux qui n'utilisent plus leur compte Netflix. Mais qu'est-ce qui va m'arriver à mon compte Netflix pour tous ceux qui savent qu'ils en ont un, qui payent pour rien et qui n'en regardent plus ? Et bah, tout simplement, si ça fait un an que vous n'avez plus utilisé votre compte Netflix, vous allez recevoir un mail voilà, de la part de la direction du service qui vont vous dire tout simplement et vous demander si vous confirmez vouloir rester abonné. S'il n'y a pas de réponse, votre compte va totalement être résilié au niveau de l'abonnement et il va être bloqué aussi. Mais pourquoi ils font ça ? Parce que en fait, ils perdent de l'argent. Bah oui, non, mais ouais, si je payes. Je peux savoir moi. Oui. Parce que du coup, s'ils peuvent résilier des comptes Netflix et que toi, bizarrement, tu te sens concerné, même si tu as pas été pendant un an, mais tu dis ah ouais, ça fait chier et tout, tu vas vouloir en reprendre. C'est pas faux. Ah, tu réabonnes. Ah ouais. C'est alors, un argument marketing. Oui, mais t'es déjà abonné et tu payes déjà. Donc en fait, si t'es pas utilisateur, on s'en fout de savoir si tu utilises Netflix ou pas. C'est tu vois, pas t'as, faux, t'as quelqu'un qui est abonné, qui utilise pas ton flux. Donc c'est plutôt cool et qui paye quand même. Tu payes pas et plus cher quand tu. Ah bah non, tu payes pas plus cher. Non tout simplement, c'est par rapport à la confiance que du coup va augmenter nous, les utilisateurs de Netflix, vis-à-vis de la société elle-même. Moi, ça va me plus faire confiance de me dire ah bah tiens, si un jour j'arrête, j'ai complètement oublié d'utiliser mon truc pendant un an, et bah automatiquement ça va s'arrêter. Tu vois, c'est bien. Moi, je trouve que. Donc, en gros, pour les utilisateurs, c'est genre un geste de sympathie de la part de Netflix qui prend son nom en disant vous avez pas payé pour rien, quoi. Après, sur ce que je disais au niveau des chiffres, actuellement, ça correspondrait à 5,5% des comptes totaux de Netflix et ça engendrerait pour la société une perte de 9 millions. Bah ouais, dollars. C'est beaucoup parce que c'est rien 5... pour eux. Non, mais c'est rien pour eux. 5%, non, mais si tu fais en pourcentage, 5% c'est quand même beaucoup. Oui, c'est une... mais du coup, grâce à ça, ça et ce coup de pub entre guillemets, ça va augmenter la confiance des utilisateurs de la SVOD envers Netflix. Ça va permettre peut-être même de dire aux gens bah tiens, en fait, je vais peut-être me prendre un abonnement ou je vais rester, tu vois, après parce le mois, sont etc. Ouais, c'est ça. Puis vu comment ils communiquent aussi sur les réseaux sociaux avec leur community manager, etc., c'est génial. Enfin, j'adore. Il y a des. Ils sortent des trucs, des vannes sur Twitter, c'est magnifique. Je les suis et franchement, je m'éclate. Donc personnellement, moi, je trouve ça que c'est un bon point perso. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui doit... Il y a forcément Guy Sourd. Ah non, bah mais, bien sûr. Attention, il y a les Illuminati, forcément. Non mais, oui. Non, mais c'est pas... Il y a ceux qui pensent à la Terre plate aussi. Non, mais... Oui, la théorie. C'est pas Anguille Souroche, mais je veux dire, c'est pas fait... C'est pas fait humainement parlant. C'est pas fait pour un geste de gentillesse. Ouais, non, bien sûr. Pas de la bonté pure. Non, bah, c'est comme OCS et Canal+, en plein confinement. Oh oui, on est sympa, on va vous laisser l'accès, machin. Oui, et puis bah, après, bien sûr. Qui arrête directement. J'ai presque envie de dire, c'est qui ? Non, je connais, mais... Non, mais ils ont fait ça aussi avec le site de l'INA, là, je sais plus comment il s'appelle, Madeleine. Et c'est pareil, ils ont offert 3 mois pendant le confinement, mais après, il faut penser à se désabonner parce que sinon, tu vas payer. C'est vrai. T'as une dernière info, Ismaël. Et bah, je vais déjà finir sur celle-là. Et donc, faut préciser que donc Eddie Wu, l'un des présidents de la communication chez Netflix, a dit que en fait, suite à la résiliation de cet abonnement, si plus tard dans les 5 mois qui arrivent ou les 10 mois qui arrivent, vous voulez vous réabonner, ça sera possible. Et du coup, vous allez récupérer directement toutes les informations liées à votre compte, que ce soit les identifiants bancaires. Donc, vous n'aurez pas besoin en fait de re-rentrer tout ça. Vous aurez toujours vos historiques de navigation et vos profils. Donc, en fait, tu perds pas grand-chose et ça, c'est cool. Tu vois, de te dire que t'as pas besoin de. Si t'as arrêté une série en plein milieu, de retrouver où est-ce que t'en étais, bah ouais. Tu retrouveras directement où est-ce que tu en étais justement. Ouais. Sinon, au pire, tu demandes à Théo ses identifiants et puis ça passe. Hein. J'ai des comptes gratuits offrir. Allez, partager. D'accord. Enfin, voilà en tout cas pour ce qui concerne Netflix et l'Inde, juste avant. Maintenant, on va directement aux États-Unis avec le film Justice League. Vous l'avez peut-être vu dans les dernières années quand ouais. Elle est sortie. Un bon nanar, j'ai envie de dire. C'est vrai que ça arrive pas, je suis de Marvel, mais bon. Bah, même par rapport aux autres films de DC, je prends Wonder ouais, Woman ou Aquaman, ouais, c'était 10 fois mieux que Justice League, quoi. Ah. Et pourtant, il y avait deux personnages de ça, quoi. Oui, oui, c'est, enfin, c'est pas faux. Je parlerai pas de la façon dont j'ai été déçu de ce film, mais est-ce que vous connaissez le terme le Snyder Cut ? Pas du tout. Pas Marguerite du tout. Ben non, je vois pas. Oh, tout à l'heure en antenne, je lui ai déjà posé la question, elle m'a dit non. Il a pas, hein. Pas changé depuis. Vous connaissez peut-être le réalisateur qui s'appelle Zack Snyder. Oui. Marguerite. Bah oui, et donc je compte toujours. Et bah voilà, Zack Snyder, en fait, c'est le réalisateur du film Man of Steel et de Batman vs Superman. Voilà. Et faut savoir que c'est sur la page Twitter du nouveau SVOD HBO Max, parce que HBO se met lui aussi à la vidéo à la demande, que la nouvelle est tombée. Un laconique Only on HBO Max 21. Alors j'ai pas tout compris, mais oui. Donc seulement sur HBO Max 2021. Mmh. Précédé du célèbre hashtag, si vous suivez les réseaux sociaux, Release the Snyder Cut, qui est en fait un cri de guerre des fans donc du réalisateur de Zack Snyder, puisqu'en fait à la base c'était lui qui avait réalisé le film donc Justice League, et malheureusement en fait durant la production il est parti de la production parce qu'en fait sa fille est décédée, donc il était en deuil et il a pas réussi, enfin voilà, il a pas pu continuer et du coup il a été remplacé par Joss Whedon qui avait notamment fait Buffy contre les vampires à l'époque et le premier Avengers, voilà, et il a été chargé par la Warner donc de terminer la post-prod et de tourner des scènes additionnelles pour le film Justice League qui fait quand même un petit peu plus de 2 heures, je crois presque 2h30, ouais. Et faut savoir qu'en fait les fans ont rendu Joss Whedon responsable de l'échec du film. Le film avait un budget de 300 millions, ils ont récolté que 650 millions. Bon, ils ont quand même fait un petit peu de profit au total, mais c'est pas fou comparé à ce qu'ils attendaient pour l'univers voilà, de DC. Ouais. Et du coup, les fans ont tellement critiqué ce monsieur Joss Whedon, qui voulait l'entendre que le film aurait été bien meilleur si c'était Snyder qui avait eu le total contrôle du film, donc le fameux Snyder Cut. Et bah du coup, Warner, c'est bien DC, hein, je me trompe pas, ont décidé donc de reprendre le film avec Snyder Cut, mais pas seulement refaire entièrement un film en fait. Ils vont garder la version du film, mais avec un montage différent, et en plus ils rajoutent 30 millions de dollars, pardon, de budget supplémentaire à Zack Snyder pour faire la suite du film. Et si l'on se satisfait de ce qui va arriver, ils vont nous offrir une séance de rattrapage un petit peu pour ce film, j'espère. Le film devrait faire 4 heures de long. Ah ouais. Voilà. Personnellement, j'ai un point de vue assez négatif là-dessus, parce que si tu me dis qu'il a aussi réalisé Man of Steel, qui lui je le trouve dégueulasse, je pense que c'est un peu rebé de la merde pour faire de la merde. Mais alors attention, je quand même tiens à clarifier une chose, c'est que rien ne garantit que Snyder Cut va effectivement sauver le Justice League. Bah, oh, surtout ouais. Si ça dure 4 heures, quoi. Bah ouais. Déjà, quoi que ça s'est déjà vu des bons films vachement longs. Oui, il y en a plein. Ouais, oui. Je pense les 12 salopards ou les 8 salopards, je sais plus. Les 8 salopards. Je pense au Grand Bleu, moi. Oui, le par exemple. Je connais pas. C'est un très bon exemple. Mais du coup, faut aussi penser que la raison de l'échec du film, c'est pas que l'autre réalisateur qui a pris la place de Zack Snyder, c'est aussi à son histoire qui est clairement mal ficelée, c'est terriblement mal foutu, voilà. Et donc, il paraît normal d'attendre après Zack Snyder de faire peut-être quelque chose de mieux, ce qui m'étonnerait pas puisqu'il passe après quand même le déluge de merde, on va dire, excusez-moi du terme, ouais. Mais il faut pas y mettre trop d'espoir parce que vous allez vite. C'est ça. Non, parce que tu reprends prendre une déception, c'est possible. En vrai, c'est plutôt jeter 30 millions pour rien. On est d'accord que tu reprends les mêmes séquences, enfin les ce qui a été tourné à la base, donc oui. Voilà, tu peux ils pas ils vont reprendre les mêmes séquences sous les rushs. Ils vont faire revenir les acteurs aussi et ils vont peut-être changer aussi des échanges. Ouais. Il va quand même y avoir des modifications par rapport à ce qu'on peut voir dans le premier. C'est pas juste on prend le premier et on rajoute 2h30 d'image entre ou etc. Ouais. Le boulot de la post-prod va être magnifique. Ouais. Après, mais après le montage compte beaucoup quand même. Ouais. On sait jamais. Après 4h, moi ça me dérangerait pas parce qu'il y a eu beaucoup de personnages, il y a eu 2 ou 3 héros qui ont été introduits dans ce film et on connaît rien de leur histoire. Genre t'as The Flash, enfin Flash, le héros qui court le plus rapidement sur la Terre. Il arrive, sûr, tu sais pas pourquoi. T'es sûr? Comment il a eu ses pouvoirs? D'où t'es il sûr qu'il court plus vite? Non, mais avec Superman, oui. Enfin bref. Ce qui va être bizarre, à mon avis, c'est que quand t'as vu le premier et que tu vas voir la deuxième version, tu vas avoir toujours l'impression de revoir un peu la première version parce que t'auras des images et des séquences qui seront les mêmes à un moment donné. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, apparemment, ils vont aussi refaire les musiques du film avec cette fois-ci la personne qui était censée travailler avec Zack Snyder pour les bandes son. Donc ça se peut qu'il y ait des changements d'atmosphère, etc. En fait, c'est un restylage. En automobile, on appelle ça un restylage. Ouais, c'est ça. C'est un pimp my ride. C'est ça, exactement. Et là, c'est pimp my Justice League, quoi. Perso, j'en attends pas grand-chose. Après, on verra bien. Hein. C'est peut-être à regarder, mais bon. Ouais, non. Je préfère attendre la suite, genre des prochains opus de la Justice League ou quelque chose du genre. Qui durera 8 heures. Oui. Et toi, Marguerite, t'as peut-être quelque chose à dire vu que tu es notre experte ce soir. J'aime pas DC. J'aime pas les héros, je m'en fous. C'est compliqué d'avoir un avis là-dessus parce que. T'as pas déjà, vu oui, DC, je connais pas les œuvres de base. Ouais. Je vous invite presque à regarder. In the Panda a fait une vidéo super intéressante. C'est quoi In the Panda? Tu connais pas In the Panda? Moi non plus. C'est non. Un youtubeur qui. C'est un cinéaste en fait qui parle. Qui fait des rubriques sur différents films. Et j'aime beaucoup son avis en général. D'accord. Et il parle comme ça des comédies françaises. Et il a un avis que j'aime beaucoup. Et ça se rapproche beaucoup justement de ça. C'est DC, une comédie française. De quoi? DC, une comédie française. Est-ce que tu as écouté la moitié de ce que j'ai dit? j'ai vu la vidéo que tu avais partagée justement sur les comédies françaises, sur l'avis des comédies françaises qu'il avait. Ouais. Moi j'adore les comédies françaises. Et non, c'était plutôt plutôt un bon avis où il laisse le libre choix à chacun d'ailleurs de se faire son avis. Et c'était les arguments étaient bons. Ouais. En fait, c'est vraiment ce qu'il dit, c'est que juste dire ça c'est de la merde, ça n'a aucune utilité en fait. Ça n'ouvre pas le débat. Ah bah bien sûr, faut expliquer pourquoi tu n'aimes pas. C'est ça. Comme, le truc c'est qu'on a, on a tellement tendance à faire ça que j'ai pas tellement envie de donner mon avis. D'accord. En l'occurrence. J'ai pas d'avis en fait. Puis j'ai pas vu Man of Steel, j'ai pas spécialement envie de le voir, je vous avoue. Je pense qu'il y a plein d'autres films qui sont, enfin, à mon avis, mieux, que j'ai plus envie de voir actuellement que Man of Steel. Voilà. Après, si tu fais pas d'efforts, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise aussi. Ouais. T'as pas regardé la plateforme encore, toi. Ouais, c'est vrai. Chacun son domaine. Non. Bon, en tout cas, comme d'habitude, PK Avenger, 21h-23h, à peu près. À peu près, ouais. À peu près 24h. On est large. On est large. De toute façon, on est 4 ce soir. On était 5 un petit peu plus avant. De toute façon, voilà. Et qui est près de 8h. Vous aimez nous écouter, vous aimez ce qu'on dit. Non, ils aiment dormir à la store. Ah, ouais, c'est peut-être ça. Je vous avoue que moi, là, si je pouvais me coucher, je me coucherais en même temps que l'émission. La même. Ah, oui. Mais là, bizarrement, on va pas aller se coucher parce qu'on va rendre l'antenne, effectivement. Mais et puis on va nettoyer tous les studios. Ah, ah bah ouais. Les joies du déconfinement. Et le pire, c'est qu'on est payé pour ça. Ah non, c'est vrai. Mais bon, t'es payé pour ta bonne santé, par contre. Oui, c'est pas mal. Totalement. On se lave les mains à l'eau de Javel ici. Ouais, bah oui. On se lave. Et on avale de la chlorotine. Chlorotine, pardon. Non, il faut plus. On doit plus en parler de ça. On a jamais bu, de toute façon. Non, en plus. Que de l'eau de Javel, hein, je suis désolé. Ah bah, l'eau de Javel, ça te nettoie le corps. Hein. Ah bah, ça te purge. Oh, t'as plus rien. Autant boire. C'est comme si tu buvais plein de coca, quoi. Bah, c'est bizarre, les mains à l'eau de Javel, après, ça te. Sur Indestar, il va nous rester des choses. Il va nous rester de la musique. Oh ouais. Bah, évidemment. Mia Rose. Ça pose pas de problème. Non, pas tout le temps, non plus. Oh. Raté. Anna Free, peut-être. Même pas. Your favorite enemies, ton ennemi favori. Ouais. De qui? De Your favorite enemies. Ah, c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe, voilà. I see a darkness, le titre. I see a darkness, ouais. Je vois la lumière. Non, darkness. Le noir, le. L'ombre, ouais. L'obscurité. L'obscurité, the darkness. Ok, the darkness rises. Il a jamais été sur Indestar. Non, le mardi avec Clément. Il a pas vu la lumière. Bon, demain, qu'est-ce qui se passe, Teddy? Eh ben, Vita Conso, le grand retour cette fois-ci. J'espère que tout va bien. Et on va parler de... Enfin, vous allez parler de... Des confinements. Exactement. Et puis, même le confinement. Même. Le confinement, ouais. Même comment on l'a vécu, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce confinement. Moi, je vous ai préparé un petit quiz, comme à chaque fois maintenant dans Vita Conso. On va bien se marier, ou pas, ça dépend. Bah, j'espère que si, quand même. J'espère, quand même. Et ça sera 20h30 demain sur Indestar. 20h30, 22h sur Indestar. Tout à fait. I see darkness sur Favon Penmith, oui, tout à fait. Et on vous fait des bisous. Oui. Bisous tout le monde. Des bisous à la Clément. Des bisous. Et à bientôt. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.